Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, le bilan de l'été 2017. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi, non, je pense au sketch des inconnus. Youpi matin 1 1. Ah oui. Voilà, comme on fait le matin, on précise. Ça commence très bien. Avant qu'il y en ait un qui se coupe la main, on sait pas quand ça va se passer, mais. J'ai mal. Tu m'as perturbé, mais bon, c'est pas grave. On est dans le bilan de l'été 2017. Comme d'habitude, chaque année, on fait notre bilan de l'été. Donc je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude. J'ai le plaisir d'avoir avec moi mes deux co-hôtes habituels, donc Morgane, que vous avez pu entendre juste avant, avec Youpi Matin, salut. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Ben, très bien, oui, donc comme il a dit Youpi Matin, on enregistre le matin, donc c'est assez inhabituel pour nous, mais... Voilà, on va pas vous ennuyer avec nos problèmes de planning. Ensuite, Eddy, mon deuxième co-host, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Nickel. Du coup, on a un invité que vous commencez à connaître maintenant sur Movies Nerd. Adrien, salut. Ouais, salut Axel, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah oui, très très bien. Je pensais être plus crevé que ça en enregistrant le matin, mais si ça va quand même. Donc, on a notre café le matin, c'est bon, c'est bon, on est prêt. On va parler de quand même pas mal de films qu'on a vu cet été. Donc l'été, les films qui sont sortis juillet, août, et on a fait une petite exception à la fin, mais on va pas vous expliquer ça. Je voulais juste rapidement parler de l'été 2017 en large en fait, puisque on a quand même, les deux derniers étés, c'était un peu une période de vache maigre. Je pense que Morgane est d'accord avec moi là-dessus. Surtout l'année dernière, ça a été l'hécatombe. Moi j'aimais bien. L'été de l'an dernier, c'est un de mes meilleurs étés cinéma, mais bon, pas chacun. Moi ça valait pas 2015. Pour moi, c'est 2017, c'est vraiment le meilleur été depuis assez longtemps. Depuis 2010 pour moi, depuis Inception et j'allais dire Secret Story, non Toy Story, pardon. Oui, on est fatigué. c'est vraiment j'ai trouvé un très bon été et ça faisait du bien. Cette fois, même s'il y a eu quand même pour moi personnellement, il y a eu quelques déceptions, mais on en parlera plus tard. Mais vraiment des bonnes surprises, des bons films. Ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, on va passer directement à un film. Morgane voulait parler d'un film qu'il a vu hier soir. Il l'a vu hier soir et c'est pas vraiment dans la catégorie film d'été. 2017, mais voilà, c'est un petit bonus parce qu'il a pu le voir sur grand écran, un de ses films préférés, donc je vais te laisser parler de Terminator 2 en 3D. Alors, avant toute chose, la 3D, bon, j'étais un peu déçu, mais comme avec Titanic, finalement, c'est pas ça qui m'a fait aller le voir en salle. Jurassic Park, etc. Ouais. Non, Jurassic Park, la 3D Jurassic... était très bien. J'ai bien, écoute, bien non, aimé je l'ai, la 3D. Je l'ai... Non, mais je dis ça, je l'ai même pas vu en 3D. Non, la 3D de Jurassic Park était pas mal. Mais c'est vrai que celle. Toi, tu te tais, hein. Tu commences pas, hein. Il est 10h du matin, ça suffit, hein. Ouais, je suis très irritable. Ça me suscite quoi, des pas Jurassic Park? Mais on va pas juger. Voilà. Moi, je suis ouvert, hein. Voilà. Bon. Titanic, si, elle était bien, mais tu la remarques qu'au début, en fait. C'est ça. Bah, en fait, Terminator, ça. Avant que le bateau coule. Mais c'est ça le problème, tu la remarques vraiment au début avec les spoil, hein. Et tout, et un petit peu à la fin, ouais, quand t'as des éléments... Spoil Titanic. Mais Ouais, vas-y, donc pour Terminator, c'est vrai que la 3D, on la remarque au début, puis bon, c'est pas ça l'intérêt, c'est de le voir enfin ce monument du cinéma sur le grand écran, et se rendre compte à quel point aujourd'hui les blockbusters sont un petit peu font pas le figure à côté. Parce que, c'est, vous savez, dans un top de l'année, limite, ça c'est le meilleur film de l'année, hein, normal. Mais on va dire que c'est de se rendre compte à quel point le film n'a pas vieilli techniquement, que ça reste aujourd'hui une prouesse technique, mais rare. Et en plus, avant le film, il y a eu des anecdotes, parce que le film est présenté en vidéo par Philippe Rouillet, un critique de Positif, qui disait que le film, il a été tourné et réalisé en un an, quoi. Il avait un an et demi pour le faire, enfin, ça a été un tournage rythmé, un budget considérable, une prise de risque énorme, des enjeux techniques hallucinants et inédits pour l'époque, et aujourd'hui ça prend toujours. y a plusieurs climax dans le film, c'est ça aussi qui fait sa force, et le fait qu'il soit, eh ben je peux vous dire que les voir sur grand écran, c'est juste hallucinant. Le cauchemar de Sarah Connor, c'est une des scènes qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. Sur mon... Après, spoil pas trop, parce que moi j'ai pas vu les Terminator et je pense que je les verrai un jour quand même. Donc bon. Bon, je reste très évasif. Hein. Le cauchemar de Sarah Connor, qui est quand même une scène tétanisante, sur grand écran, je peux vous garantir, en plus il y a des effets de son. Et d'ailleurs, là où le film a un intérêt, c'est qu'il a, il a retravaillé, je pense, techniquement le film, comme avait pu le faire un peu George Lucas avec les Star Wars. Je vais pas trop vous faire peur, mais il y a une scène dans le 2 où il est sur sa moto, où on voit que c'est une doublure. Et là, j'ai bien fait gaffe, et je pense que le visage de Schwarzy a été rajouté numériquement, et ça passe nickel. Donc on peut retravailler les films techniquement, enfin les films d'avant, on peut les retravailler et que ça rentre bien. Voilà, Lucas, t'aurais pu faire ça. En tout cas, Terminator 2 au cinéma, je peux vous garantir que c'était dantesque. C'était énorme, et ça confirme que c'est mon film de science-fiction préféré, un de mes films, enfin un de mes actionneurs science-fiction, enfin il y a tellement de genres dans ce film-là préféré. Par contre, je l'ai vu en VOST. Et j'avoue, j'ai tellement un amour pour la VF. Sarah Connor. Oui, puis... Non, Ah bon bah, non, mais... Non, enfin, c'est la voix de Schwarzy. De Schwarzy en VO. Non, mais j'ai une affection toute particulière pour Schwarzy et sa voix en VO. C'est... Bah, j'aime beaucoup, c'est mais quand on a usé la VHS étant petit, ce qui est mon cas, et quand on a vu le film à la télé, en Blu-ray, tout ça, et qu'on est habitué à la VF, même Sarah Connor, c'est Véronique Augereau, celle qui double Marge Simpson d'ailleurs, et puis qui double Jamie Lee Curtis aussi, les répliques de Sarah Connor, je les connais par cœur. Du coup, c'est un peu dur. Mais voilà, voir ce film-là et se rendre compte que près de 25 ans plus tard, je crois, ça reste toujours un des monuments de l'histoire du cinéma, quoi. C'est Cameron a fait deux films de la décennie. En 90, il a fait, en 91, il a fait Terminator 2. Ensuite, il a fait Titanic. Et voilà. C'est. Et d'ailleurs, la fin de Terminator 2, sans trop spoiler, me fait penser à une scène dans Titanic. c'est vrai. Ouais, voilà. Une scène entre Rose et Jack dans un. Voilà. C'est bref. Et voilà, j'ai trouvé ça amusant. Mais dans une voiture. Non, on voit pas Terminator et Sarah Connor en train de, ni avec John Connor d'ailleurs, ce serait louche. Mais en tout cas, ça reste techniquement bluffant. C'est magnifique. Ouais, nickel. Donc allez-y, c'était en séance unique, mais allez-y. Ouais, et c'est pas passé partout d'ailleurs. Hein. C'est pas passé chez moi en tout cas. Maintenant qu'on a parlé de Terminator 2. On va pouvoir passer au film de l'été et on va commencer tout de suite avec. Je les ai classés par ordre de sortie. Donc on va commencer par Spider-Man Homecoming. Et voilà. Donc je vais laisser la parole à qui à Morgan, tiens. À moi ? Ouais, ouais. J'ai fait la mouette dans Nemo. À moi. Alors, Spider-Man Homecoming. Il est con. C'était très bien. Il est vraiment con. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais pas placé beaucoup d'espoir sur ce film-là parce que finalement, voilà, les films de la MCU, je les aime pour ce qu'ils sont, on va dire. Hein. On en parle à chaque fois. Je voulais au moins un divertissement généreux, tout ça. C'est ce que j'ai eu. Je les ai préférés. Je l'ai préféré au film de Mark Webb, en tout cas le précédent, que je n'aime pas du tout The Amazing Spider-Man 2, que je trouve raté sur bien des points. J'ai été surpris, on va dire, par le ton teenage du film. J'ai vraiment l'impression de voir un film très générationnel qui parle avec beaucoup de pertinence des ados d'aujourd'hui. Certains citent Breakfast Club, on va peut-être pas exagérer non plus, hein, c'est pas non plus John Hughes. Eux-mêmes ils le citent, hein, regarde la promo, eux-mêmes ils le citent. Oui, hein. C'est sûr, mais on va pas trop exagérer non plus. Mais j'ai trouvé quand même que ça posait un regard juste sur l'adolescence, sur ce que ça implique, et surtout, à la différence du film de Mark Webb, je suis pas dans l'exercice, je vais pas taper sur les Mark Webb pour encenser celui-là, mais Mark Webb nous racontait une histoire qu'on connaissait déjà. Là, on n'a pas le côté la piqûre de l'araignée, il est déjà Spider-Man de base. Et ça, j'ai trouvé que déjà ça rendait le produit un peu plus frais. Au niveau du casting, j'ai été un petit peu déçu du méchant parce que je trouve qu'en fait Michael Keaton est plus classe en tant qu'acteur que le personnage. En fait, c'est dommage. Autant dans les Sam Raimi, il y avait des grands acteurs pour jouer des grands méchants. Bah oui, Willem Dafoe et Alfred Molina, et même l'homme sable dans le 3, il est bouleversant. Enfin, il est déchirant. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un acteur très sous-estimé, Thomas. je sais plus comment il s'appelle, voilà, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai été un peu déçu parce que je trouvais que Keaton en faisait un tout petit peu des tonnes. Et que le personnage n'était pas assez travaillé parce que même la façon dont il est méchant, moi ce que j'aime dans un film de super-héros et ce que j'aimais dans les Spider-Man de Raimi, c'était qu'on nous présente, qu'on nous fasse comprendre pourquoi ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils font? Bah là, si, ils le disent bien quand même. Ouais, deux secondes et demie. Alors, deux secondes et demie, c'est-à-dire qu'on voit le début, il y a un ellipse de je sais pas combien de temps, une ellipse de je sais pas combien de temps, puis là, pouf, il est méchant. Et moi, je peux pas m'attacher à ça parce que du coup, ça me le rend très fonctionnel et je me dis, le film va juste miser sur Enfin, moi, ce qui m'a dérangé sur ce point-là, c'est que c'est quelqu'un qui récupère, enfin, qui travaille dans le bâtiment, on va dire, qui récupère des morceaux, etc., de bâtiment pour les nettoyer. Et. Plusieurs années après, il a pu développer des technologies aussi. Enfin, il a pu comprendre la technologie alien et la signer. Je me rappelle bien, il récupère un bout du Tesseract, hein, c'est ça, non? Ouais, voilà. Enfin, il récupère un truc d'alien, je sais pas quoi, qui est tombé de la bataille avec, entre les Avengers et. Avec Loki. Et la Faceless Army number 21. Et voilà. Il a récupéré ce morceau de je sais pas quoi et. Avec ça, le mec à côté qui son boulot c'est quand même récupérer des morceaux de bâtiments qui sont tombés pour les recycler ou je sais pas quoi. Et quelques années après, il a appris à maîtriser cette technologie alien et en faire des armes, etc. Ça me paraît un peu gros. Oui, je trouve que c'est trop rapide. Les personnages sont. Enfin, en tout cas, ce personnage-là est mal étoffé. Maintenant, il y a des. Ouais. Même Tante May, je suis pas vraiment fan. On dirait une espèce de Nabila version MILF, je trouve. À l'intelligence de Nabila, je trouve. Hein. Donc, je suis peut-être un peu le look grand-mère. Je suis un peu dans le look. Non, mais... Je préfère un peu le côté grand-mère très aussi, sage de. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, pas Naomi Harris. Oh, je sais plus. Bref. Et par contre, le reste des personnages. De Sam Raimi. Voilà, elle me bouleverse. Maintenant, les autres personnages, je les trouve très très bons. J'aime beaucoup Mary Jane. J'aime beaucoup ce personnage un peu. Bah non. C'est pas Mary Jane. Hein. Mais c'est un spoiler de le dire. Elle est créditée en tant que telle. Michelle Jones. Oui, mais c'est Michelle MJ, en fait. Jones. Donc, ouais, je sais, mais. Ouais, mais bon, quand on voit la fiche technique... Moi non plus, je veux pas. Hein, mais c'est... Voilà. Ouais, non, mais moi non plus. Et du coup, voilà, je trouve le personnage très intéressant parce que elle tranche un peu avec les personnages féminins de la MCU. Ça va être j'aime son caractère, j'aime son côté pince-sans-rire, un peu cynique, sarcastique. Le Peter Parker est très bon. Alors, je m'attendais à ce qu'il en fasse des caisses. Et dès le début, honnêtement, j'ai flippé parce que quand je le voyais avec sa GoPro, je dis putain, il va avoir l'intelligence de Squeezie aussi pendant 2 heures. Ça va être insupportable. C'est la seule bonne scène du film, t'es dur quand même. Ah non, mais quand je vois Tom Holland, oui, je suis très dur. Pardon, excuse-moi. Voilà. Bon. C'est fait. Non, désolé. En tout cas, j'ai trouvé le personnage plutôt bien écrit parce que je trouve qu'il y a une évolution. Je trouve que le personnage évolue. Au début, il est un petit peu immature, un peu puéril. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va avoir des responsabilités et comment dire, une éthique de héros à respecter, il va en gagner en maturité. Et je trouve qu'il y a une évolution des personnages qui est très, très, très bien. Très bien construite et qui moi personnellement m'a attendu parce que qui m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça en allant le voir. Après sur les scènes d'action, j'ai trouvé ça généreux, même si la meilleure scène d'action c'est un peu un décalque de la scène dans Spider-Man 2 de Raimi, mais en soi j'ai trouvé ça suffisamment généreux, suffisamment rythmé, il y a de l'humour, honnêtement j'ai pris du plaisir. Voilà, j'ai pris mon pied dedans. J'ai bien marré voilà. Moi aussi. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plaisant. Franchement, j'en attendais pas moins. Enfin, ça pouvait être pire, franchement. OK. Donc voilà. Je vais laisser celui qui a le plus détesté, Adrien, maintenant prendre la parole. Alors déjà, tu dis que ça pouvait être pire. Ouais, c'est sûr. La dernière fois qu'on a eu un film pire que celui-là, ça devait être à l'ère de Pitoff avec Catwoman, je pense. Oh, et encore, non, c'était l'année dernière, un film de David d'ailleurs. Sérieusement, alors non, excuse-moi, justement, on va en parler. On disait du mal tout à l'heure de Suicide Squad. Mais au moins, il y avait un peu de cinéma. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est même pas un film. Je sais pas comment dire. J'avais l'impression de revoir Deadpool. C'est du même niveau. C'est-à-dire que c'est... même au niveau du fond, au niveau de la forme. Au niveau de la forme, tu parlais de la générosité des scènes d'action. Il n'y a pas une seule scène. Pas une seule. On a l'impression de voler avec Spider-Man. Pas une seule. C'est tellement mal filmé. C'est tellement coupé à la mitraillette. C'est tellement... Il y a des plans complètement improbables de partout. Il n'y a aucun plan. Il y a limite aucun plan de Spider-Man dans l'air avec lui. Enfin... Si tu veux pas faire un film Spider-Man, mec, tu fais pas un film Spider-Man. Enfin, je sais pas comment dire. Là, il y avait aucun plaisir. au niveau des scènes d'action, même au niveau des scènes de baston, je veux dire, c'est un style complètement anecdotique, anecdotique pardon, on a déjà vu ça 1000 fois. Bon, ça, c'est au niveau de la forme. Mais comme beaucoup de films du Marvel. Bah oui, mais d'accord, hein. Mais moi, je vais. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, on avait dit beaucoup de mal de Age of Ultron. Bah, c'est pareil, je suis désolé, il y avait plus de cinéma en termes de mise en scène que dans Spider-Man Homecoming, et personne n'a l'air de penser. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est qu'on est tellement habitué à voir ça chez Marvel que. Bah, moi, j'ai du mal à m'habituer. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à m'habituer à ça. C'est-à-dire oui. Que pour moi, c'est pas parce qu'ils le font à chaque fois que je dois pas le répéter, que je dois pas le ouais, mais tu vois, fois, moi, tu en fait, j'ai pas pu dans l'optique de me dire, je vais voir de la mise en scène, parce que je sais que de toute façon, il y aura pas de démarche bah, artistique. Oui, mais comment mais, je vais voir un film, je vais voir un film, enfin, je sais pas comment dire. Bah oui, mais bon, à partir du moment où tu sais que tout un univers est assez formaté, bon, bah, au bout d'un moment, c'est plus la peine de chercher à y voir autre chose. Je cherche même pas, je veux dire, si tu veux pas faire la mise en scène évoltante, tu fais pas un Spider-Man. Le seul intérêt de Spider-Man, je dirais, mis sur un écran, c'est ça. Parce que le fond, on peut l'avoir dans les comics. Le seul intérêt de Spider-Man quand tu le mets sur un écran, c'est que tu peux t'identifier au personnage et tu peux voler avec lui. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je lui mens pas d'être inventif. C'est pas le seul intérêt, c'est aussi de le montrer à ceux qui lisent pas les comics. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu lis déjà les comics, tu t'attends un minimum de trucs comme ça. Enfin, je sais pas, pour moi, ça a toujours été le seul, le vrai intérêt, ça a été toujours ça, toujours d'un petit peu de vivre avec le personnage. Or là, il n'y a rien, je ne demande pas d'être inventif en termes de mise en scène, je demande simplement d'avoir une mise en scène. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est devenu trop demandé aujourd'hui. Mais bon, surtout ça, c'est quand, quand tu sors de l'inventivité des Gardiens 2. Et c'est ça, non, mais, voilà. L'inventivité moi, c'est des ça, Gardiens c'est 2, ma... et même pour rester sur du Spider-Man, on peut ne pas aimer War Mark Webb, il tentait des choses. Oui. The Amazing Spider-Man 2, c'est un film qui, on aime ou on n'aime pas le style, je comprends qu'on n'aime pas du tout parce que ça peut être rebutant, mais bourré d'idées de mise en scène, plutôt bonne, plutôt moins bonne en fonction de la personne qui regarde, mais c'était bourré d'idées de mise en scène, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des couleurs hyper flashy, il y avait vraiment des oui, objectivement, oui. Machin. Objectivement, c'est bourré d'idées de mise en scène, même si on aime ou on n'aime pas. Là, il n'y a pas d'idée. Donc, si ça avait été que ça, je veux dire, j'aurais mis comme Civil War, j'aurais mis 3 sur 5 parce qu'au fond, on se marre bien, mais là, je sais pas, au niveau du fond. J'ai trouvé ça épouvantable, mais vraiment, je crois que c'est le film qui m'a le plus énervé en sortant, et pourtant, c'est l'année d'Alien Covenant. Donc, c'est le film qui, je crois, m'a le plus énervé en sortant, parce que, je sais pas si vous êtes très fan du personnage, je sais pas si, enfin, que ce soit au niveau des films, au niveau du, enfin, j'ai l'impression que c'est une insulte permanente. C'est-à-dire qu'en permanente, qu'on cherche à dédramatiser un peu les trucs. Marvel le fait depuis le début, là-dessus, je vais plus m'en plaindre. Mais là, c'est à outrance, enfin, je veux dire... J'ai envie de spoiler la fin, je vais pas le faire. Mais non, le passage avec Mary Jane à la fin, pas Mary Jane, avec Tante May à la fin, c'est honteux. C'est-à-dire qu'il te ruine. Je me rappelle même plus. Il te ruine une des scènes les plus belles du comics. Ah, oui, entre Spider-Man et Mary Jane, une des scènes voilà magnifiques et qui veut dire tellement de choses pour Spider-Man par rapport à son identité, ce genre de choses. Et là, c'est un gag quoi. Et ça finit sur un what the fuck avec le fuck qui est coupé au générique. Enfin, excusez-moi, moi je suis pas venu pour voir, j'adore American Pie, mais je suis pas venu pour voir un spin-off d'American Pie. Ah oui, ça y est, d'accord. Dans des télés, quoi. Ouais, non, c'est vrai que. Je revois la scène de fin là. Et ça, on a l'impression que c'est anecdotique, mais tout le film est comme ça. C'est-à-dire que tout le film, à chaque fois qu'il va y avoir un semblant d'éléments dramatiques, en fait, Spider-Man va se péter la gueule ou un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que moi je veux bien Spider-Man. Oui, mais c'est très Marvel ça. Enfin, oui, mais d'accord, c'est ce qu'on voit dans quasiment tous les autres films. Oui, mais tu peux pas l'appliquer à tout. Oui, quasiment tous, il y en a que c'est plus grave. Je suis d'accord, mais tu peux pas l'appliquer à tout ça. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie ça fonctionne, Avengers ça fonctionne plus ou moins en fonction du film, Ant-Man ça fonctionnait déjà moins, mais tu peux pas l'appliquer à tous les films. Enfin, il y a un moment quand ils vont arriver avec Thanos ou qu'on va avoir la mort de Captain America ou je sais pas quoi, enfin, ils vont faire des blagues après, ils vont lui dessiner une bite sur le front, enfin, je sais pas. Enfin, je suis désolé, mais à un moment. Merci de me dire que Captain va mourir. Non, mais c'est une supposition. Mais bon, les acteurs mais vont bon, bien ça nous ferait du bien. Voilà, bon, à propos d'acteurs, il y a un truc voilà, que je conçois au film, c'est que Tom Holland est très bon. Ça, c'est un petit peu inattendu, c'est-à-dire que moi, je l'ai trouvé excellent. Il joue bien ce personnage, c'est pas sa faute si son personnage est mal écrit. C'est un peu comme quand je regardais Twilight et qu'on me disait que Robert Pattinson joue mal. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent bien leur personnage, quoi. Le problème, c'est que là, dans Spider-Man Homecoming, son personnage est tellement écrit à la truelle, avec des gags partout, avec des machins, des trucs. Je veux bien que Spider-Man fasse des blagues, il est aussi là pour ça, mais bon, là, il y a peut-être une exagération, je veux dire. Est-ce que moi, par contre, quand on en parle, c'est une caractéristique de Spider-Man, oui, justement, c'est un blagueur. Entre Spider-Man qui fait des blagues et le film qui fait des blagues non-stop dès qu'il y a un moment dramatique. Ouais. On pourrait peut-être avoir une différence. Je veux dire, Doctor Strange à ce niveau-là, je trouve qu'il arrivait très bien à faire la part des choses justement entre les blagues dans le discours et les vraies intensités dramatiques. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intensité dramatique, quoi. Et au moment où ils essaient d'en faire une, c'est pour nous balancer des flashbacks de Peter Parker. Ouais, même dans Les Gardiens, il y a une intensité dramatique. Voilà, c'est ça. Là, il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y a rien, quoi. Je veux bien qu'on s'amuse devant, mais... Enfin, c'est tellement vide de sens que moi, je trouve que... Bon, je trouve pas que ce soit le meilleur que les Mark Webb, parce que Mark Webb, il y avait une intensité dramatique. Il essayait de raconter quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément. Et là, en l'occurrence, c'est tellement dénué de sens que c'est même plus un film Spider-Man, pour moi. Et bon, voilà, j'en dis deux mots, mais l'espèce de scène post-générique, je sais plus si c'est post-générique ou pas, avec le costume. Oui. C'est pas la peine de nous montrer un costume si c'est pour qu'il refuse d'entrer dans l'Avengers. Voilà. Ça sert à rien. Je veux dire, si c'est pour nous le montrer dans deux secondes et qu'en fait on le voit au bout de deux heures d'Infinity War, je veux dire, si c'est juste pour nous le teaser, je veux dire, on a assez souffert, c'est pas la peine de nous rajouter à la fin, quoi. Enfin, je veux dire. Donc voilà, bon, je vais pas m'étendre plus dessus parce que voilà, je suis rien qu'à y repenser, je suis encore très énervé alors que maintenant ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Oh, c'est qu'un film, hein, des stress. Je trouve ça tellement dénué de ouais. sens comme film que voilà, j'ai détesté ça. Et pourtant, j'ai rien contre le divertissement, on le verra sans doute plus tard dans l'émission. J'ai rien contre le divertissement, vraiment. J'ai aimé Doctor Strange, j'ai aimé Guardians of the Galaxy 2, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, je veux dire, faut arrêter, on peut pas faire ça, quoi. Ok, Eddie. Moi j'ai bien aimé. Après j'ai bien aimé, mais pour ce que c'est, quoi. Donc bon, c'est quand même très relatif. C'est un peu comme Morgan, quoi. J'ai vu ce que j'attendais, donc il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Après, s'il fallait reparler de la mise en scène, de toute façon, je m'attendais pas à voir une mise en scène de ouf. Moi, j'ai trouvé très formaté, en fait, comme les autres Marvel, à l'exception, oui, de certains films de Marvel. Gardiens de la Galaxie, par exemple. Voilà, bah, les Gardiens de la Galaxie ou Doctor Strange, quoi. C'est vrai que Doctor Strange, visuellement, il y avait quand même pas mal de choses. Même si le film, après, n'est pas parfait, mais il y avait quand même des trucs qui lui donnaient un semblant d'identité. Qu'est-ce que je dirais de plus? Moi, j'ai trouvé... c'est pas forcément une... Enfin, c'est même pas vraiment une origin story, finalement. Non. On a l'impression que c'est déjà un segment, en fait, de l'histoire de Spider-Man, mais pas le premier. L'introduction s'est vraiment fait dans Civil War. Ouais, et du coup, ça reprend à partir de là, ce qui est peut-être pas plus mal, parce que ça nous évite quand même tous les trucs avec l'oncle Ben, machin, la morsure pareil, d'araignée, de là, tout ça. Il ne pas le mentionner. Enfin, il y a peut-être exagération. Il le mentionne pas? Bah, la morsure de l'araignée, il le mentionne en deux secondes, mais je veux dire, l'oncle Ben, la mort de l'oncle Ben, c'est une part de l'identité Spider-Man, puisque c'est ce qu'ils veulent former. Alors, mais ne pas montrer caméra, je veux bien. C'est dit, je crois. Ouais, sans doute en deux secondes et demie, dans un dernier dialogue, quoi. Ça aurait fait Reddit, quoi. Chez Sam Raimi, bon, c'est le premier, donc ça va, mais. Enfin, c'est le premier. Je demandais pas ce qu'ils leur fassent, juste est-ce qu'ils en fassent quelque chose scénaristiquement, quoi. Ouais, enfin, bon, c'est des trucs qu'on sait déjà, quoi. Bah oui, mais la nouvelle génération, là, je sais pas comment dire. Là, c'est un film qui reste clairement au plus jeune, je trouve, en tout cas. C'est clairement le ton, je pense, l'humour, le machin truc, c'est clairement la génération Snapchat, je pense, 12-14 ans, j'ai l'impression. Mais de toute façon, c'est un film. Oui, non, mais de toute façon, c'est un film qui est fait pour les. C'est un teenage movie, hein. Enfin, ouais, moi, je l'ai vraiment voilà, vu comme ça. Hein. Si ce serait pas bien de rappeler un petit peu d'où il vient, ce gars-là, parce que là, il est tellement dénué de tout passif que finalement, bah, ça pourrait être n'importe quel héros lambda, pas seulement Spider-Man, quoi. Bah, disons qu'en fait, il est très. C'est un film qui est très actuel dans le sens où, déjà, de toute façon, il est fait pour correspondre à un certain type de public, quitte à en délaisser un autre, quoi. À mon avis, il va très mal vieillir. Oui, je pense. Contrairement moi, après, à je celui sais que voilà, j'ai. Oui, bah, c'est clair. Moi, je l'ai apprécié sur le coup et j'avais revu de ceux de Sam Raimi dans l'année, là. Et clairement, oui, c'est des versions qui sont bien plus intéressantes et il y a un fossé entre les deux. Déjà, même entre ceux de Sam Raimi et ceux de Mark Webb, ça n'a rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a quand même trois visions de Spider-Man qui sont bien différentes. Bon, il y a de quoi se faire un avis. Maintenant, voilà, Homecoming, moi, j'ai pas trouvé ça non plus hyper honteux. Je veux dire, c'est pas le film du Marvel Cinematic Universe qui m'emmerde le plus. Ouais, moi, je crois que si, quand même. C'était tordu. Moi, je pense que First Avenger, la Captain America, c'était quand même bien chiant, même Hulk et tout. Enfin, là, pour le coup, je préfère tellement bien... ça à Ultron, moi. J'ai tellement préféré. Ouais, j'ai même Ultron. Alors, autant j'ai moins bien noté Spider-Man Homecoming, mais je l'ai préféré au Gardien de la Galaxie, par exemple. Sérieusement? Le 2, le 2, ah le 2. Le 2, ouais. Ah ouais non, mais vraiment? Oui, oui, parce que oh, non. J'ai été surpris par la fraîcheur du truc. C'est, je m'attendais tellement à avoir plus formaté que ça. Après, oui, sur la mise en scène, il y a des défauts. Ça reste. Après, c'est frais sans être frais, parce que c'est quand même très attendu. Hein. En tout cas, dans ce que ça dit, dans son discours sur les ados, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas que le film irait autant creuser ce point-là. Je pensais qu'il allait être un peu plus lisse que ça. Et je trouve qu'il y a quand même des... Enfin, j'ai pris du plaisir, vraiment, j'ai pris un plaisir Ce que j'ai trouvé vraiment très appréciable, justement, et ça, c'est vrai que c'est ce qui, je pense, a fait que j'ai vraiment apprécié le film pour ce qu'il était aussi, c'est que du coup, on voit vraiment un Spider-Man ado. Et Tom Holland peut jouer un ado, il a le physique pour et tout. C'est, on n'est pas avec Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Là, mais on est vraiment. Ça, mais il faut que ce soit. Ouais, mais ça, par contre, ça, après, bon, le film vaut ce qu'il vaut, mais ça, je trouve que ça fait du bien quand même. Parce que c'est vrai qu'à la base, il est quand même censé être très jeune. Et les deux autres, bon, ben. Même Tobey Maguire dans le premier, jamais il m'a fait penser à un ado, quoi. Un étudiant, étudiant, un jeune adulte qui fait des études, mais oui. pas un lycéen, quoi. Et là, pour le coup, on est vraiment là-dedans et ça fait du bien. Je trouve que là, ça nous rapproche quand même un peu de l'histoire d'origine. Comme il est présenté à l'origine et tout. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Après, l'humour, j'ai bien aimé aussi, même si, évidemment, il y en a peut-être beaucoup. Je pense que ça peut saouler au bout d'un moment. Je me suis quand même bien marré, donc je peux pas cracher là-dessus. Visuellement, il y a des trucs qui vont, il y en a d'autres qui vont pas. Je suis pas spécialement fan du design du méchant, le vautour. Ouais, le vautour. Ouais. Même si Michael Keaton, du coup, est très bien dedans, quoi. Enfin, Michael Keaton, de toute façon, j'ai rarement vu mauvais. Après Tony Stark, on en a pas parlé. Ça va, quoi. C'est Robert Downey, quoi. Bizarrement, c'est parfois ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je pensais que ce serait le pire du film, très clairement. Et bizarrement, ça fonctionne. Ça, je trouve qu'il fait bien d'un substitut, donc le même. Je trouve que ça fonctionne assez bien, ça, pour le coup. C'est des séquences qui fonctionnent assez bien. Côté mentor un peu et tout. Ouais, et ça, c'est des séquences qui fonctionnent assez bien. Ouais. Et le personnage, du coup, est assez juste aussi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il essaye de faire, en tout cas, avec Spider-Man. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai bien aimé aussi, du coup. John Favreau, qui est quand même intéressant. Bon, il est surtout là pour le rire, mais Happy Hogan là. Ouais. Mais bon, voilà. Après, c'est un film. C'est assez quelconque et tout ça, mais j'ai trouvé ça assez réjouissant. Donc du coup, je crache pas dessus, quoi. Mais bon, ce sera pas mon film de l'année, hein, c'est clair. Mais je pense que je le reverrai avec plaisir aussi. Je m'en ferai un avis. Je pense que ce sera un peu moindre, mais. Mais voilà, après, en termes de mise en scène et tout, moi, ce qui m'a vraiment dérangé sur le coup, c'est pas tant le fait que ça soit pauvre, mais c'est que c'est surtout, ça contraste vachement avec les Gardiens de la Galaxie 2, qui est sorti avant. Oui, juste avant, en plus. Hein. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, je crois qu'il doit y avoir 2 mois et demi, trois mois, à peine. Et, parce que les Gardiens de la Galaxie 2 a dû sortir au printemps, je crois. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que ça contraste beaucoup parce que James Gunn a une vraie inventivité, une vraie folie. Et là, c'est vrai qu'il y a moins d'excentricité et tout. Après, c'est pas non plus ce qu'on recherche dans un Spider-Man parce que en même temps, c'est pas ce qu'on recherchait dans les Gardiens de la Galaxie, mais on l'a eu. Quand on a vu le premier, personne s'attendait à ce que ça soit aussi barge et tout ça. Ouais. Et du moins jusqu'aux premières bandes annonces. Et là, quand on a vu les premiers trailers, on savait que ce serait un Spider-Man, ce serait bateau. Ils ont récupéré leur Spider-Man, ils font un film dessus. Il faut rentabiliser ce truc. Et je trouve que ils auraient pu faire pire aussi. Donc c'est ce qui fait que non, moi j'aime bien. Je pense que Marvel, ils auraient pu faire plus chiant. Après, moi dans le cinématique univers de Marvel, je pense que c'est les films que je vais mettre à peu près au même rang que Ant-Man, quoi. C'est pas les, c'est loin d'être les meilleurs. C'est ceux que je trouve sympathiques. D'accord. Que je reverrai avec plaisir, mais c'est vrai que c'est pas les segments, voilà, que quand je vais me refaire par exemple toute la rétro des Marvel. Si un jour j'ai vraiment rien à foutre parce que ça prend du temps, C'est ce film, déjà. Ouais. Bah, c'est pas ceux que je vais. C'est pas ceux avec. Enfin, pour lesquels j'aurai le plus d'impatience. Si, je pense que je les reverrai avec plaisir, parce que c'est pas les films que j'aime pas. Ant-Man, bon, c'était. Moi, j'ai trouvé ça assez fun, c'était même plutôt rigolo à certains moments. Et puis, du coup, dans Ant-Man, c'est vrai qu'il y avait des petites idées de mise en scène qui étaient drôles, justement, avec le côté miniature et tout. Mais c'est vrai que c'est pas les films que je vais revoir. Voilà, c'est un peu Ant-Man. Bon, je dirais que Doctor Strange aussi, parce que c'est pas celui qui m'a le plus convaincu, même s'il est, bien. Il est objectivement, il est au-dessus, Doctor Strange, mais c'est pas non plus ceux que je reverrai avec. Non, c'est clair, c'est pas Iron Man, ou c'est pas Les Gardiens de la Galaxie, ou même Le Soldat de l'Hiver et tout, ou Civil War. Moi, voilà, c'est vraiment les segments que j'ai appréciés. Et les Avengers, le premier surtout, moins le deuxième. Mais bon, voilà, après, en même temps, dans un univers partagé aussi large, ils ne peuvent pas non plus faire que des trucs qui tiennent la route. Hein. Y a plein de visions différentes. C'est aussi ce qui en fait la richesse, finalement. Mais bon, c'est con à dire, mais Spider-Man Homecoming, ou les retrouvailles en québécois, c'est ce que je viens de voir. ça vient quand même rappeler que malgré l'affection que j'ai pour Marvel, DC Comics essaye quand même propose des vrais films de cinéma, je trouve, à côté. Par rapport à Wonder Woman aussi, voilà. C'est clair que ça se voit. Ça a rien à voir, et je trouve que oui, c'est vrai que là, bon, c'est pas pour cracher sur un studio et en encenser un autre. Non, la vraie différence pour moi entre les deux, c'est pas tant les sujets ou les personnages, même si certains personnages sont plus étoffés d'un côté que de l'autre. Mais c'est ce qui différencie vraiment les deux studios, et les deux démarches, c'est ça, quoi. C'est que ça soit de Man of Steel à Wonder Woman et de Iron Man premier du nom à ce Spider-Man là, ça sera peut-être différent avec Thor Ragnarok, et puis les Gardiens de la Galaxie font exception, mais c'est vrai qu'on sent vraiment que chez Warner, pour le coup, les films sont peut-être imparfaits et parfois plus complexes à aborder quand on n'a pas lu un comics. Du coup, on sent qu'il y a plus de travail, plus de recherche, et c'est ce qui les rend aussi très intéressants. Après, j'aime bien Marvel, parce que pour le coup, moi qui ne lis aucun comics, que ça soit Marvel ou DC Comics, ils sont plus abordables. Je trouve que c'est très facile d'accès, en fait. Même s'ils ont fait vraiment un effort, je trouve, sur Wonder Woman pour la rendre plus accessible. À un public qui n'a jamais lu un comics ou un Ouais, Roman, c'est bossé, c'est bossé. Ouais. Moi je vais. Mais bon, c'était assez réjouissant quand même dans l'ensemble. J'ai bien aimé. Après, oui, c'est pas parfait, mais bon, moi j'ai plutôt bien aimé. Je peux pas dire que voilà, c'est pourri, quoi. Ok. Alors moi je vais en parler rapidement. Est-ce que toi tu adores Spider-Man? Avec Morgan, on est des fanboys de Rémi. on adore les trois Spider-Man. Après, j'adore ceux de Sam Rémi. Hein. Moi, le côté old school des tout, ça me plaît vachement. Ouais, mais c'est, quand je dis fanboy, c'est que c'est dans nos films préférés, vraiment. Moi, le 2, pour moi, c'est un modèle du genre. Dans les films de super-héros préférés, si, c'est quand même. Après, moi, je suis très très X-Men. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai que oui, les Spider-Man en font partie aussi. Ouais. Donc moi je suis extrêmement fan, et je sais pas si Adrien tu t'en souviens, mais quand on avait parlé de la bande-annonce dans un parlant cinéma, on était juste nous deux, on était là à se dire ça a l'air vrai, on sait déjà ce qu'on va voir, et franchement, enfin, je trouve qu'on n'a pas eu tort. Pas de surprise, hein, de toute façon. C'est pire que ce que je pensais. Pour moi c'était déjà pas une attente. Alors qu'un Spider-Man, que je n'attende pas un Spider-Man, ça me paraît être une hérésie, parce que c'est mon super-héros préféré. Et t'avais pas vu Civil War avant, en plus, Axel? J'ai toujours pas vu Civil War. Vois le segment de Spider-Man et Civil War, c'est plus Spider-Man que le film. Vraiment. D'accord. Oui, mais il faut que je rattrape Civil War et il est bien, Civil et Doctor War. Strange. Bien, voilà, c'est les deux seuls que j'ai pas encore vus, mais bon. Moi, j'attendais plus Thor 3 que Spider-Man, c'est clair. Ah bah ouais, non mais clairement, alors que je m'attendais pas un jour à dire ça, attendre plus un film Thor qu'un film Spider-Man, ça me paraît être une hérésie, mais bon, j'adore le personnage, etc., et pour moi c'était pas une attente, et j'ai trouvé l'histoire vraiment très banale, sans grand intérêt, Si je dois être parfaitement honnête avec vous, je me souviens quasiment de pas grand chose du film. Et j'ai failli m'endormir plusieurs fois, alors que j'étais pas fatigué. Pour moi, la seule chose intéressante au niveau du scénario, c'est, on en a pas parlé et on va pas spoiler, mais qui m'a dit, ah tiens, ils ont fait quand même un petit effort, c'est, et ça m'a surpris, c'est le twist avec le méchant. Voilà, dans la voiture, etc. Si vous voyez, ouais, si vous avez vu le film. C'est piqué à... La scène est géniale d'ailleurs. La scène est géniale. Pour moi, c'est une vraie scène de tension. Hein. Il y a un jeu. Ouais, ouais. Ah, il y a. Ouais. Et c'est. C'est. Pour moi, c'est voilà, c'est ça qui m'a vraiment surpris. Je l'ai pas vu venir et pour le coup, c'est bien joué par les deux comédiens. Surtout. Enfin, avec Michael Keaton, c'est un des seuls moments où j'avais l'impression qu'il en avait quelque chose à faire d'être dans le film, parce que le reste du temps, j'avais l'impression qu'il s'ennuyait sur le plateau et qu'il était là juste pour l'argent en fait. Et ça me dérange un peu. Donc, pour moi, rapidement, les bonnes choses du film, parce qu'il y en a quand même. Je vais pas être complètement négatif. La seule scène d'action que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est la scène, on en a pas parlé, au Washington Monument, à l'obélisque à Washington. Plutôt cool. Où la tension est bien tenue, je trouve. Avec l'ascenseur. Ça fonctionne assez bien. Pour moi, c'est la seule scène d'action qui m'a vraiment dit, ah tiens, je suis peut-être en train de regarder un film Spider-Man, et c'est assez intéressant. Aussi, Tony Revolori. En Flash Thompson, j'adore cet acteur. Parce ah oui, que... The Grand Budapest Hotel. Attends, et moi tout. J'y suis pas du tout. Parce là. Que j'adore The Grand Budapest Hotel. Le petit groom là. Ouais. Tony Revolori. Ouais. Il joue dans Grand Budapest Hotel, tu sais, à côté de. Ouais, mais alors, moi, j'ai ouais, pas tu... du tout aimé. Ouais, t'as pas aimé Grand Budapest, mais moi, j'adore cet acteur. Et je l'ai adoré. Ah dans... oui, d'accord, ok. Ça, oui, ça y est, c'est voilà. Bon. Je revois sa tête, c'est bon. Ah oui. Et il est en Flash Thompson dans le film. Donc le. Mais, enfin, le méchant secondaire de l'histoire Spider-Man, on va dire. Et je trouve plus salaud encore que Michael Keaton dans le film. Et justement, on a enfin un Flash Thompson dont on se souvient. Et j'ai beau adorer les premiers Spider-Man de Sam Raimi, mais le Flash Thompson qu'il y avait dans celui-là, il n'était pas développé. Ah. Et il jouait qu'un rôle mineur dans la vie de Peter Parker, alors qu'ici, il joue un rôle plus important et plus intéressant. Et l'acteur est très bien, moi j'avais adoré. Ouais, moi j'adore cet acteur. Après, concernant Michael Keaton et le vautour, moi j'ai aimé le fait que ça soit justement un méchant un peu plus classique, terre à terre. C'est pas un mec comme Loki qui a des pouvoirs et tout. C'est, ouais. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça fait du bien quand même, je trouve. Enfin, moi j'ai apprécié ça. Ça, normalement, que... c'est les méchants de Spider-Man, normalement, ils sont plus terre à terre, plus. Ancré à New York, tu vois. C'est des humains déjà. Voilà, pour la plupart, ouais, ils ont pas non plus. Ouais, c'est des bandits, quoi. Ouais, New York, ouais. Ouais, voilà. Pour la plupart, c'est des bandits et ils sont pas. Enfin, ils ont rarement des super pouvoirs. Alors, bien sûr, il y a l'homme sable, etc. Mais c'est souvent des super pouvoirs qui. Et c'est pour ça que je préfère les deux Spider-Man de Sam Raimi, les deux premiers, en tout cas. C'est parce que ça soit Octopus ou le Bouffon Vert, à la base, ce sont des humains qui tournent mal, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et dans le 3, c'est plus ça, déjà. Plus vraiment. Oui, c'est clair. Avec Venom. Quand même, aussi, entre Venom et l'homme sable, je trouve que c'était quand même... Si, c'était le même procédé. Non, mais ouais, enfin, c'est des ouais, super mais... pouvoirs. Ils ont des super pouvoirs. Ouais, enfin, voilà, des super pouvoirs. C'est pas une... Enfin, le Docteur Octopus, c'est une machine. D'accord, ouais, je vais dire. D'accord, okay. Enfin, le Bouffon Vert, c'est assez spécial. Il devient fou. Alors que normalement, dans le comics, il est vraiment... Enfin, c'est vraiment un genre de... Enfin, de mutants, quoi. Mais là, ils l'ont rendu, je trouve, plus intéressant dans le film de Sam Raimi. Mais bon, après, voilà. J'ai pas vu la version... Parce que moi, j'ai pas vu... J'ai vu que le premier Amazing Spider-Man. J'ai pas vu la suite, parce que le premier m'avait tellement Ah oui, d'ailleurs, que... j'en ai pas parlé, mais... ouais, moi, j'étais déjà déçu par les deux, et j'en revenais pas de sortir d'un film Spider-Man et de pas vouloir sauter sur les murs et voir tisser des toiles. Mais moi, c'est... Enfin, quand je suis sorti du 2 et du 3, bon, j'étais petit, j'avais 9 et 12 ans à peu près, voilà, je crois, c'est quand c'est sorti. Et j'étais là, quand je suis sorti de la salle, je voulais tisser des toiles partout, je voulais sauter sur les murs et tout ça. Moi, m'avait déçu quand même. C'est pas Spider-Man 3. C'est un film un peu saboté, malheureusement, mais bon, ça c'est. Mais pour moi, il est quand même super intéressant. Ah ouais, mais pour moi, c'est. Enfin. Et justement, quand on voit des films de la MCU aujourd'hui et même de la DCU, je sais pas quoi là, je trouve que s'ils pouvaient atteindre quand même un quart de la maîtrise tant visuelle qu'au niveau des personnages que ça, on serait mieux loti. Enfin, même les blockbusters en général. Hein, bah ouais, mais si on note bien les Spider-Man et tout ça, et que c'est le temps de fric, ils ont absolument aucune raison de revenir à l'ancienne formule. C'est sûr, ah, mais complètement, hein. Et de toute façon, c'est bien là le problème. C'est pour ça que je me plains, moi, à chaque fois, c'est parce que j'ai pas envie de. C'est que le formatage rapporte, donc pourquoi ils changeraient ? Ouais, non, c'est clair. Et ils ont un cahier des charges, ils le remplissent, à chaque fois ça marche. Bon, bah en même temps, on va pas se faire chier, hein, je veux dire. C'est des studios qui résonnent en studio. Ouais, et ça, c'est le problème, c'est que ça me rappelle quand j'avais parlé de Jurassic World avec que des fans de Jurassic Park. Sur leur forum officiel, et on avait fait un podcast pour parler du dernier film, et ils disaient ouais, mais il n'y a pas ça par rapport au roman et tout. Oui, mais les gars, vous êtes des fans, eux c'est des producteurs. Faut aussi raisonner comme ça quand tu vas voir un film. Enfin, spectateur lambda, c'est pas forcément ce qu'il va chercher, parce qu'il a peut-être pas les notions de. Bon, c'est hyper prétentieux, hein, ce que je suis en train de dire. Non, mais. Il a peut-être pas les notions de. Bah oui, un film, c'est ce qu'on cherche à y mettre parce que ça peut plaire à telle souche et mais... tout. Ouais, il y a des producteurs qui ont une vision artistique, mais la plupart c'est plutôt pour faire de l'argent, ouais. Et surtout à Hollywood, hein, c'est vraiment un truc qui est très très hollywoodien, même si bien sûr il y a des exemples autre part, mais alors que enfin voilà, c'est bon, on va pas refaire mais l'histoire, mais c'est vrai qu'il faut pas, enfin je pense que c'est important, et surtout aujourd'hui, d'aller voir un film en se rappelant que c'est censé rapporter de l'argent, et c'est aussi c'est fait pour divertir, mais c'est fait pour marcher. Et c'est pas que la vision du réalisateur. Et voilà, c'est ça. Et c'était moins le cas, c'est vrai, avec Sam Raimi, où du coup, derrière, quand même, moi je trouve qu'il y avait une vraie vision d'auteur. Et ouais, c'était pareil avec les. Comment ? Il y avait du cinéma avec Sam Raimi, c'est clair. De toute façon. C'est ça, ouais. Et c'était déjà le cas avec les Batman de Tim Burton. Hein. Ouais, oui, derrière, il y avait une vision d'auteur, même ceux de Nolan finalement. Ouais, bon, voilà. Même s'il l'étoffe pas assez, je pense. Après, j'aime bien les films, mais. Mais voilà. Après, je pense que. Dans le DC Universe, ils sont quand même capables, si Warner les bride pas trop, d'avoir quand même un semblant de vision d'auteur derrière. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont pu faire ça. Mais après, Man of Steel, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que Zack Snyder, il a essayé quand même. Bah oui, c'est sûr. Après, c'est un style qui plaît ou qui plaît pas, mais il y a une proposition quand même plus intéressante, je trouve, derrière. Et c'était pareil dans Batman v Superman, hein, les personnages. Enfin, moi le Batman, le Batman dans Batman v Superman, je l'ai complètement. Je dirais pas que je l'ai redécouvert, mais c'était un Batman encore complètement différent de ce que j'avais vu chez Nolan ou chez Tim Burton. Ou chez Schumacher, mais ça, Schumacher. Pas vu, je me suis arrêté à Batman le défi, moi j'ai pas été voir après. Rapidement encore sur les bonnes choses du film, j'ai bien aimé John Favreau aussi, parce que je trouve que c'était un des personnages il est très bien, et c'est un des seuls moments où on rigole quand même dans le film. Et Martin Starr aussi, qui joue le rôle du professeur là, qui les accompagne au spelling bee, enfin pour le concours d'orthographe, enfin je sais pas comment on dit en français, mais voilà, donc ça, voilà des petits rôles. Ça fait 13 jours d'après, ça. C'est vrai. Et la musique de Giacchino, on en a pas parlé. Ah oui. Qui même si je la trouve pas au niveau par rapport à d'autres de ses compositions, elle reste quand même toujours d'une certaine qualité. Ça vaut pas Jurassic World. Bah ouais, moi je suis un peu gêné quand même par ça, hein, parce que je trouve que c'est quand même assez anecdotique, et que les seuls passages voilà, sympas où on a l'impression d'être dans un Spider-Man, bah, c'est tout simplement parce qu'il a repris le thème de la série animée. Donc, je ne veux pas dire tout le mal de la musique, tout le mal de ce que je pense du film, mais c'est une musique qui est très anecdotique, je trouve. Ce qui, encore une fois, n'était pas le cas dans le deuxième web et dans tous les amis, parce que dans le premier web, pour le coup, c'était le même problème. Et quand c'est pas de toute façon, tout Spider-Man confondu, la meilleure c'est Danny Elfman. Hein. Bah oui, mais ça, oui. Il n'y a pas à chier. Hein, c'est sûr. Ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat, je pense. Mais... Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, je voulais juste rapidement dire un peu les mauvaises choses que j'ai trouvées par rapport au film, que j'ai pas trop aimé. La réalisation plan-plan, on en a déjà parlé, pas inspiré. L'humour, plutôt le non-humour du film, surtout après avoir passé, Les Gardiens de la Galaxie 2, où je me suis éclaté. Et je trouvais l'humour super drôle. Là, j'ai vraiment pas beaucoup ri. Surtout qu'après ça, on aura Thor Thor 3 par Taika Waititi qui a l'air juste super drôle et super décomplexé. Et à mon avis, mais j'espère. J'espère que ça va être Le gap entre les deux, le gap entre les deux va se faire ressentir en fait, je pense. On est dans l'optique de les voir à la suite, je pense que. Après, faut pas que ça soit non plus un truc vraiment trop à la Gardien de la Galaxie. Hein. Non, mais je pense pas. Il risque d'influer là-dessus aussi, je pense. Moi, je pense un peu. Ouais, on verra bien, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai pas autant ri que je pensais devant ce film. Ce qui m'a aussi dérangé, c'est surtout, on parlera plus tard de Baby Driver et de ses références bien mises en place. La référence hyper forcée, mais vraiment sur la scène de Ferris Bueller, donc on parlait justement de John Hughes avec Breakfast Club. C'est la scène où il court dans les jardins et bien sûr, on n'avait pas compris, donc il faut mettre. J'ai pas ces références-là. Oui, non, mais enfin, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment très forcé, surtout que Ferris Bueller, c'est un de mes films préférés. Et il court dans les jardins, voilà, il passe par les jardins des gens. Et bien sûr, dans un des jardins, il y a des gens qui regardent Ferris Bueller, la même scène au même moment, pour bien te faire comprendre que c'est sur ça qu'on fait la référence et c'est pas sur autre chose. Voilà, ça c'est un petit truc qui m'a gêné, mais ça c'est juste personnel, c'est pas un truc qui m'a fait mais comment ils osent faire ça. Tom Holland, je suis pas aussi je le trouve pas aussi bon que vous en fait en Peter Parker ou en Spider-Man. Je l'ai trouvé assez plat. Moi je le trouve pas exceptionnel en tant qu'acteur, mais je trouve qu'il amène une vraie fraîcheur dans le fait qu'il soit jeune. En fait. Oui, voilà, c'est surtout ça moi qui m'a plu. Après, l'acteur Tom Holland, moi je l'ai trouvé sympathique. Voilà, c'est ça. Mais quand je dis sympathique, ça veut pas dire que je l'ai trouvé exceptionnel en termes de jeu d'acteur. Pour moi, c'est juste dommage que quand je vais voir un Spider-Man, j'ai envie de m'identifier au personnage. Comme je l'ai fait avec Tobey Maguire et comme je l'ai fait aussi avec. On a peut-être plus trop l'âge, Jean-Marc. Oui, bon, c'est vrai. Bah, excuse-moi, mais moi, à 26 balais, je m'identifie plus trop au personnage d'Adam. Bah, attends, comment t'expliques que moi, je m'identifiais à Tobey Maguire alors qu'à l'époque, il avait 10 ans plus que moi. Mais je sais pas, moi non plus, je comprends pas. Mais là, c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, oui, alors j'aime. Bon, le côté teenage m'a pas gêné, parce que c'était sympa. Mais c'est vrai que je me dis, j'ai peut-être plus trop l'âge pour m'identifier à ça, quoi. Ouais. J'ai plus les mêmes préoccupations, enfin, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire, Mais bon, voilà, moi, je l'ai pas trouvé à la hauteur pour un Spider-Man. Je sais qu'il a mis plein d'efforts, etc., qu'il voulait jouer ce rôle, etc., en plus, il a fait quelques-unes de ses cascades, puisqu'il est danseur à la base, donc... il a joué dans la comédie musicale Billy Elliot, pardon. Il a des airs de... Comment il s'appelle déjà, le mec qui fait Billy Elliot? Mais justement, il jouait le rôle principal dans la comédie, il me semble. Ouais, il me fait penser, là... Oh merde, il l'aime bien en plus, là. L'acteur... Jimmy Bell. Voilà, Jimmy Bell. Voilà. Oui, il a des airs de Jimmy Bell, un peu. Marissa Tomei en Tante May, comme Morgan l'a dit, moi j'y crois pas. Bon, moi je le trouvais drôle, mais voilà. Bon. Ensuite, on a enfin pour moi, Michelle Jones, donc MJ, c'est un des seuls personnages féminins intéressants et différents de ce qu'on a eu d'habitude dans un Spider-Man. Et je la trouve très très sous-exploitée. Et on préfère mettre Liz Allen, donc le c'est rôle une féminin. Piste, en fait, Liz Allen, voilà, c'est ça. Le rôle féminin principal du film. En fait, j'essaye de dire ça sans trop spoiler. C'est pour ça que c'est difficile. Mais voilà, le rôle principal, je trouve mal fait en fait tout cet aspect romance. Et j'y crois pas du tout avec Liz Allen. Alors que j'aurais préféré voir directement avec Michelle Jones, donc MJ. Mais je la vois pas, moi, Michelle Jones. C'est Zendaya, c'est ça, non? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Et je la trouve vraiment... Enfin, elle est différente par rapport... Alors, Zendaya, nom de l'actrice, Michelle Jones, nom du personnage. C'est ça, hein? C'est ça, voilà. Zendaya, okay. Coleman, le nom de l'actrice, et Michelle Jones, le nom du personnage. Je la trouve vraiment différente des habituels... rôle féminin dans les films de super-héros. Surtout de petites copines de Spider, enfin de ah, elle, arrête, elle arrête pas de le casser de Peter Parker, voilà, c'est super drôle. Et puis en plus enfin voilà, voilà, elle est vraiment différente et je trouve qu'elle est sous-exploitée et que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant s'ils étaient intéressés à elle plutôt que à Liz machin à Liz Allen. Par contre c'est il y a bien pourquoi t'en fais Mary Jane quoi, enfin OMG c'est pas Mary Jane, ouais coup, non ouais MJ, ouais je veux dire, ça a aucun sens, autant créer un personnage nouveau dans ce cas là mais justement si t'enlèves toute la sève du personnage ça sert à rien de l'appeler MJ. Et il y a bien pour le pour les fans quoi, enfin je sais pas comment dire, il y a un personnage que du coup on voit, mais c'est là pour le coup c'est assez anecdotique et pourtant c'est joué par un mec qui va faire des rôles dans pas mal de trucs là, c'est le, je sais pas si c'est le fils ou le neveu de Danny Glover ou non, Donald non, Glover. Non, ouais, ben justement, je vais en parler. C'est Donald Glover, il s'appelle. Oui, oui. Ce jeune, mais je crois pas qu'il est de rapport avec avec. Enfin, c'est pas son père ni son nom ouais. Ou quelque chose. C'est juste, ils ont le même nom quoi. D'accord. Alors je comprends pas, parce que là sur Sens Critique il l'appelle Childish Gambino. Ouais, voilà. Alors, donc j'y comprends rien du tout. Attends, ça, j'allais y venir. Il y a un bug dans la matrice là. Un des trucs les plus énervants du film pour moi, c'est Donald Glover alias Childish Gambino, c'est son nom de rappeur. Allez l'écouter, c'est très d'accord. Bien. D'accord. Oh, c'est un acteur exceptionnel et on plusieurs fans de Spider-Man dont moi. Mais sous-exploité là. Militaient pour l'avoir en Miles Morales, donc. Qui est censé être le Spider-Man qui remplace Peter ouais. Parker dans un univers enfin à part voilà on militait pour l'avoir en Miles Morales et moi j'espérais d'ailleurs qu'on n'ait plus Peter Parker pour ce film et qu'on se concentre sur Miles Morales parce qu'il est on a déjà eu ça faudrait qu'il ait des idées. On a déjà eu tellement de films sur Peter Parker, on s'en fiche maintenant, surtout comme ils l'ont fait. Moi j'aurais voulu voir Miles Morales parce que ça aurait été plus intéressant. On aurait eu une nouvelle origin story plus, enfin différente, et ça aurait surpris tout le monde. Voilà, ça aurait été vraiment intéressant. Et l'acteur qu'on voulait voir, enfin que tout le monde voulait voir, tous les fans de Spider-Man voulaient voir dans ce rôle, c'était Donald Glover. Et qu'est-ce qu'ils le font jouer dans ce film? Il lui faut jouer son oncle, l'oncle à Miles Morales. En fait, c'est il joue Aaron Davis, ah oui, qui est l'oncle de Miles Morales. Donc du coup, oh là là. Ça casse toutes les chances de voir un jour Donald Glover en Miles Morales, puisque ils lui font jouer son oncle. Qui... Mais c'est peut-être une manière de dire, mais non, vous l'aurez pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un doigt d'honneur aux fans, vraiment qui fait mal, qui fait vraiment mal. Et moi, ça m'a, ça, là, par contre, quand je suis sorti, c'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé du film, parce que je comprenais pas le choix et c'est ils auraient pu au moins. C'est juste pas drôle de faire ça. Quoi. Je sais pas voilà, dire, voilà. Hein. Non, c'est pas drôle et en plus c'est décevant parce que ça faisait des années que on entendait des rumeurs, etc. et qu'on voulait vraiment avoir un nouveau Spider-Man. Et voilà, on nous gâche tous nos espoirs et je sais plus quoi dire. Donc voilà. Le cliché du pote geek hacker qui clique sur quelques boutons et qui désactive des sécurités mises en place par Tony Stark, qui est censé quand même être un programmeur assez doué. Voilà, un petit truc comme ça qui m'a aussi énervé, mais bon. La toute fin, il y a des petits trucs avec Captain America, genre les vidéos de les vidéos des années 50, ne fumez pas. Moi j'ai bien aimé ça. C'était drôle. Mais la toute fin, si vous restez jusqu'à la fin du générique, vous attendez quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Et là, en fait, la toute fin, c'est le même setting. En fait, on voit Captain America sur un fond blanc qui dit « Alors, c'est bien d'être patient parfois. Parfois, vous attendez des choses et ça arrive. Et parfois, vous attendez des choses et ça n'arrive pas. » Et là, c'est le cas. Voilà. Et ça, c'est la fin. Ah, mais c'est bien d'avoir fait ça. L'autodérision sur le côté Boy Scout est super chiant de Captain America. Un film comme ça, quoi. Je veux dire, non. Bon, il y en a dans le film aussi. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois les vidéos de Captain America. Ça arrive après un film qui est composé de ça. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi. Je veux dire, ils font la blague 5-6 fois dans le film, quoi. Ah, ouais, voilà. Et à la fin, et surtout à la fin du film, on attend quelque chose, un teaser pour voir la suite. Parce que c'est toujours ça, c'est les fins de générique chez Marvel, c'est toujours bah regardez ce qui va venir, ça va être exceptionnel. Donc donnez-nous votre argent. Non, puis de toute façon, ils se sont foutus de notre gueule parce que là, il n'y avait qu'une scène post-générique. Normalement, maintenant, il devrait y en avoir au moins 5. Ouais, voilà. Enfin, voilà. Là, pour moi, c'était n'importe quoi. Et donc, voilà, j'étais assez déçu. Il y a quelques bons points quand même. C'est pas non plus complètement mauvais. Je le trouve pas non plus complètement à chier. Mais sortir d'un film Spider-Man sans être excité et vraiment, enfin, être vraiment déçu, je trouve ça dommage. Et je trouve qu'ils ont un peu gâché leur opportunité avec, avec ce personnage. Et donc voilà, à voir ce qu'ils vont en faire plus tard. Ça, voilà, on peut espérer que ça. Bon. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, la suite n'est pas la même équipe. Donc on peut pas espérer ouais. que ça, malheureusement. Ouais, mais on espère qu'à la fin de Civil War, à la fin de Infinity War, tout le monde meurt et qu'on repart à zéro. Voilà. Ouais, un petit reboot. bon. voilà, on a parlé pendant une heure de Spider-Man. Donc on va, ça on fait va... beaucoup quand même. Une heure sur Spider-Man là. Ouais, non. Ça fait beaucoup. On a hein. Heures, non, mais on va. Alors, pas pour être chiant, mais il faut qu'on accélère un peu le mouvement. Ouais, ouais, oui, ouais, oui. Bah, moi, surtout, j'ai kiné à 14h30. Ouais, ouais, donc, moi, je vais parler rapidement de Song to Song. Comme je suis le seul à l'avoir vu, donc on va faire très rapide. J'en suis navré. Hein. Ouais, je sais que tu voulais le voir. Mais donc, non, je suis pas navré. Je rigole. Tu l'as même pas vu. Donc, Song to Song, c'est toujours très compliqué pour moi de parler d'un film de Malick parce que je pense que j'ai pas le bagage suffisant pour en parler proprement. Bah tu commences quand même parce que t'en vois plusieurs là. Ouais, mais bon, j'ai l'impression de pas pouvoir retranscrire parfaitement ce que le film m'a fait ressentir. Malgré tout, je vais essayer quand même de vous donner mon avis sur Song to Song. Donc c'est un film réalisé et scénarisé par Terrence Malick. On retrouve au casting un casting assez prestigieux, donc Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Kate Blanchett, Holly Hunter, Val Kilmer aussi dans un petit rôle assez déjanté. Val Kilmer ? Oh bah dis donc, tu spoil. Val Kilmer. Non mais rigoler, ça lui fera plaisir. Ouais. donc voilà. Et non, bah non, moi, c'est trop fin pour toi, ça. Voilà, c'est sorti en France le 12 juillet 2017. Donc, le scénario, c'est toujours un peu compliqué de parler de scénario, etc. Mais c'est deux histoires d'amour à Austin, au Texas, sur la scène musicale. Celle de deux chanteurs, Bivy et Faye, puis celle d'un mania de l'industrie musicale, Cook, et d'une serveuse, Rhonda, un univers dans lequel ils voudront trouver du succès au prix de la trahison. Ça, c'est le synopsis Wikipédia. Je suis désolé si c'est un peu chelou, mais voilà. Une chose avant de vous parler de mon ressenti, je vais être honnête, je me souviens pas énormément du film, même s'il m'a marqué à l'époque de mon visionnage, mais j'ai pas noté mon ressenti tout de suite. J'aurais dû le faire parce que sinon, parce que j'ai oublié pas mal de choses, mais je trouve que c'est peut-être pas complètement un désavantage parce que je m'en souviens un peu comme un rêve distant au contour non délimité, avec certaines images très marquantes qui sont imprégnées dans mon cerveau et qui me hantent toujours, et d'autres ayant disparu jusqu'au revisionnage du film. Et comme c'est filmé un peu à la manière d'un rêve un peu onirique comme ça, toujours chez Terrence Malick, donc c'est pas non plus un désavantage complet. La première chose qui m'a frappé, c'est la certaine linéarité de l'histoire, en tout cas beaucoup plus que dans Night of Cups personnellement, je trouve, et autres Malick récents d'après ce que j'en ai entendu parler, ce qui l'a rendu pour moi beaucoup plus agréable mais à regarder. Mais de toute façon, la boucle est bouclée avec Night of Cups. Oui, normalement c'est le dernier, c'était À la merveille, Night of Cups et Song to Song, c'était la trilogie. Ah bon? De ce que j'ai entendu. J'aurais dit Tree of Life, À la merveille et Night of Cups. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai parce lu sur internet. Parce que pour moi, Night of Cups, il y a beaucoup de récurrences à Tree of Life quand même. D'accord, ok. C'est ce que j'ai lu sur internet, donc c'est pas d'accord, certain. Mais après, c'est possible, hein, mais voilà. Je peux me tromper. Mais c'est vrai que moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Surtout que Song to Song, il l'a filmé juste après Night of Cups, donc en 2011-2012. Mm-hmm. Et donc le montage a mis très longtemps. Il avait 8 heures pour le premier cut. Donc, moi, c'est rien, ça. Mais c'est quand même assez impressionnant. Donc le film dure 129 minutes, voilà, je voulais dire. Donc il a quand même assez réduit. Par exemple, il y avait comment il s'appelle, Christian Bale, qui devait être au casting, enfin qui a tourné dans le film mais qui n'est pas à l'écran puisqu'il a été coupé. Enfin, apparemment c'est assez récurrent chez Malick, couper des acteurs, voilà. Mais bon, mais c'est assez particulier parce que du coup il y a des acteurs connus qui vont se retrouver dans des petits rôles, genre Antonio Banderas là dans Night of Cups. Ah oui, et il est aussi normalement censé être dans Song to Song et il l'est pas. Oui, voilà. Normalement, il y avait Rachel Weisz dans Night of À la merveille. À la merveille, oh, d'accord. Ouais. Ok. C'est donc du coup la certaine linéarité, c'est peut-être ce qui l'a rendu pour moi beaucoup plus agréable à regarder. Mais c'est aussi peut-être dû au fait que cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre en allant voir le film, parce c'est que Night of Cups m'a tellement pris au dépourvu que je me suis ennuyé. Alors que je pense que si je le revois, je pense que je devrais trouver mon compte, parce que maintenant je sais à quoi m'attendre avec un film de Malick. Donc voilà. À quoi t'attendre et à quoi ne pas t'attendre. Oui, c'est ça. Exactement. Surtout. Il explore des thématiques extrêmement variées qui vont vous faire réfléchir durant tout le film avec des questionnements psychologiques et philosophiques incessants. Mais celle qui la thématique qui ressort le plus comme étant la plus explorée et aboutie dans le film, c'est le rapport à l'autorité et le rapport de force entre les personnages, ainsi que le pouvoir qu'une personne peut avoir sur une autre. Jusqu'où l'amour excuse la soumission, et plein d'autres questionnements extrêmement intéressants, expliqués assez clairement pour que quelqu'un, même qui est pas, enfin, qui est pas très intelligent comme moi, puisse comprendre. Donc, si je devais résumer Terrence Malick en deux mots, je dirais qualificatif, pardon. Oui, non, mais voilà, je me doutais que Morgan allait certainement rire parce qu'il a dû entendre un mot. Voilà. Qualificatif de faiseur d'images. Il en fait parce qu'il adore ça, et je pense, et là je parle sous le contrôle d'Eddy, l'expert français du cinéma de Malick, qui non, s'éclate plus à moi, imaginer non. son plan, comment il va pouvoir déplacer sa caméra pour donner une certaine impression, émotion au spectateur, que de raconter une histoire ou développer plus profondément ses personnages. Et c'est ce que je pense que les gens lui reprochent depuis un certain temps. Mais sans être un expert de Terrence Malick, de toute façon, c'est évident. Hein. Oui, ouais. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est vraiment assez. Il n'y a pas d'entre-deux, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, la photographie, hein, s'il faut le préciser, la photographie est splendide. Voilà, c'est magnifique. Un casting d'ensemble vraiment fort. C'est ça qui va faire vendre le plus de place au film de Malick, je pense, hein, clairement. Ryan Gosling qui continue sur sa lancée de La La Land, qui joue aussi un chanteur ici, enfin ouais, c'est plus un chanteur musicien, et qui est très bien dans le film, donc voilà, il cesse de me surprendre, surtout après mes avis négatifs sur ses prestations dans Drive, etc. Je trouvais trop froide. Rooney Mara, tout en sensibilité, vraiment très très bonne actrice. Michael Fassbender, excellent aussi. Enfin, Nathalie Portman et Cate Blanchett sont vraiment excellents, tous dans le film, je trouve. Et même Val Kilmer dans son petit rôle complètement déjanté, vous le verrez durant le film, c'est assez dingue, mais il joue très très bien. On retrouve aussi le monde de la musique, puisqu'il y a dans leur propre rôle, par exemple, Iggy Pop, les Red Hot Chili Peppers ou Johnny Rotten, oui. Par exemple. Enfin, voilà. Il a filmé dans un vrai concert. Ouais, dans des vrais concerts, dans des vrais festivals, pardon. Je vais dire festivals, ouf. festival. Voilà. Non, le film m'a vraiment plu. Et je suis impatient de le revoir parce que. En Blu-ray. Ouais, en Blu-ray. Comme Voyage of Time, j'attendrai peut-être avant de le revoir parce que c'était une expérience tellement. Assez traumatisante en fait que je vais attendre un petit peu, mais en tout cas celui-là est vraiment très bien, et si vous aimez le cinéma de Malick, vous allez aimer celui-là, je pense, et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On va passer rapidement à Dunkerque, du coup. Je vais laisser la parole à Morgane cette fois-ci pour en parler. Oui, Dunkerque, donc le nouveau film de Christopher Nolan, que j'attendais quand même, parce que Nolan, c'est toujours une attente de toute manière, mais que je redoutais un petit peu parce que la durée, on en avait parlé, il fait 1h45, et je trouve ça trop court, ouais, pour un Nolan, je trouve que c'est trop court, lui qui nous habitue à des films de 2h, voire de 2h40, donc ça se passe il à Il n'a pas fait plus long. Le plus long, c'est 2h40, c'est 3h avec Interstellar, hein. Oui, c'est possible. Ouais, enfin 2h45 quoi. Donc là, ça raconte l'histoire de l'armée anglaise qui est retranchée à Dunkerque et qui est en gros prise. Les résumés historiques de Morgan sont quand même pas trop mal en général. Pourquoi ? Mais je sais pas, parce que on sent que c'est pas un sujet qui te passionne et du coup c'est assez drôle. Si, non mais c'est pour aller vite, voilà, ça parle des soldats qui sont retranchés à Dunkerque et puis il y a des... Le corps expéditionnaire britannique, voilà. Ouais. Voilà, moi j'ai pas, je suis pas historien, moi, je suis pas... Non mais c'est une histoire méconnue et pourtant vachement importante, mais bon, vas-y. Non mais je suis pas historien, je suis pas Stéphane Bern. Non. Il est pas historien, il est pas historien. C'est ce que j'allais dire, on pouvait pas le faire. Il est spécialiste, oh ça va. Il est historien, Stéphane Bern. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est spécialiste. Axel est plus historien que Stéphane Bern. Ouais, c'est ça. Oh, et lui il est meilleur que toi. Hein. Bon. Ah bah oui, c'est pas... Et donc voilà, donc un film sur la seconde guerre, sur la première guerre mondiale, pardon. Première ou deuxième? Deuxième. Deuxième. Je raconte. Oh là là. Là ça devient honteux. Et t'étais censé être celui qui a aimé le film. Là, oui, mais moi la vie, je la fais quand même. Là. Écoute, je suis jamais à lui, c'est ma vie, j'ai pas mon bac. Donc, c'est quand même Morgan pensait quand même que The Revenant se passait à notre époque hein, au départ. Hein. Oui, dans maths, c'est quelle année, Morgan? C'est chez les Grecs là. Bah, c'est la Grèce antique. C'est la Grèce avec qui. Voilà, c'est la Grèce antique pendant l'invasion nazie, hein, c'est ça. Ouais, la Grèce antique. Ouais. Oh ça va, j'ai confondu, c'est bon. Les Grèces antiques pendant l'invasion des Germains. Exactement, voilà, les Germains. Germain vas-y, Jackson. Vas-y. très bon chanteur d'ailleurs, Germain Jackson. Il y a mes cousins Germain, mais ça c'est autre chose. Mais oh, ça va, allez, vas-y, continue. Vas-y. Oui, ça intéresse que Christine Boutin. Bref, parlons de Dunkerque, donc le nouveau Nolan, qui a été pour moi une expérience... dingue. Je vais résumer parce qu'il faut quand même assez faut aller vite. La dernière fois que j'ai ressenti un tel sentiment d'immersion et d'implication émotionnelle, c'était devant Gravity. Donc vous pouvez être certain que vous avez déjà potentiellement mon film de l'année. Parce que j'ai vraiment vécu, enfin j'aime ce film parce que il me rappelle pourquoi j'aime le cinéma, pour sa capacité à m'emmener là où dans la vie je ne peux pas aller parce que je ne peux pas retourner en arrière. Et là j'ai vécu une guerre. C'est inédit pour moi d'avoir vécu une guerre à ce point de façon si viscérale et où je me suis senti impliqué émotionnellement. Et en plus de ça, je trouve que le film balaye toute facilité attendue dans ce genre de film. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il est critiqué. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne développe pas ses personnages, qu'on ne connaît rien des personnages. Et je trouve que ça suffit. Les personnages n'ont pas besoin d'explications. C'est bizarre quand même, parce que moi, j'ai eu vraiment ce même sentiment en regardant La Ligne Rouge. Ah bah c'est oui. Ouais. Et du coup je trouve que ça joue en sa faveur parce que on n'a pas une psychologie à deux balles à base de oui je suis un soldat, il y a ma femme qui m'attend, je me bats pour elle, on s'en fout. Alors certains diront ouais bah dans Gravity elle est sur... non chut, je fais pas de parallèle, mais voilà, dans Gravity c'était beau. Parce que t'as un rageux, t'aimes Suicide Squad et t'aimes pas Gravity et t'aimes pas en plus Jurassic Park. T'as vu comment je dénonce? Et donc, dans le cadre d'un film de guerre, je trouve que ça s'y prête parce que les personnages, ils sont là et en fait, ils sont traités sur ce qu'ils sont sur le moment. C'est un film qui est dans l'instantané et c'est ça qui donne tout sa force, toute sa puissance. C'est contextuel. Voilà, exactement. C'est très contextuel et c'est surtout maîtrisé parce que, comme dans Interstellar, il y a une histoire de temps. Il gère dans les airs, on retrouve Tom Hardy. Ça se passe, je crois, en une heure. Au sol. Ça se passe, je crois, en un mois. Enfin, voilà, il y a une histoire de temps et je trouve. Oui. Mais attends, comment t'as deviné ça? Parce que moi je suis peut-être idiot, mais j'étais complètement perdu durant le film. Ah bah non, mais je l'ai su avant d'aller voir le film. Hein. Ah oui, voilà. J'ai lu des interviews, oui. Tu le vois pas dans le film. Tu le vois pas dans le film, mais justement, comprends que dalle. Enfin, voilà, moi personnellement, j'étais complètement perdu parce que à un moment il fait nuit, à un moment il fait jour, on sait pas quand ça se passe, etc. La temporalité de Nolan, de toute façon, c'est toujours limite. Hein. Je rappelle que dans The Dark Knight Rises, t'as une poursuite qui se commence en plein jour et qui se termine en pleine nuit en à peine 20 minutes. Hein. Oui, c'est vrai, mais là, revois le film, c'est quand il passe par le péage. Mais le tunnel est peut-être très très long. Hein. Oui, mais bref, moi j'étais complètement paumé en tout cas. Mais je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'en sachant ça donne un bagage en plus. Et du coup, je suis encore plus fasciné par la maîtrise de la mise en scène et comment Nolan joue une fois de plus, comme dans Interstellar, habilement avec le temps. Et voilà, grand film avec des prouesses d'acteurs. Enfin, l'acteur qui s'appelle. Faut pas dire Fion, faut dire Fine, parce qu'en français c'est pas très joli. Qui est pour moi une révélation. Fionn. C'est Fionn. C'est François Fayonne. Whitehead. rend l'argent. La, tête, la tête blanche. Hein. Et comment il s'appelle, Mark Rylance, qu'on avait vu donc dans Le Pont des, Espions, pardon, ouais. Qui est pour moi le meilleur acteur du film. Et Tom Hardy, ouais, qui encore une fois joue avec que ses yeux. Qui ça? Bah, Tom Hardy, il joue qu'avec que ses yeux parce que finalement on voit pas sa bouche. Ouais, des fois Tom Hardy il grogne aussi. Hein. Oui, non, non, mais autant j'avais un peu décroché avec lui, mais je sais pas, il m'a épaté dans ce film-là. Il rapporte la balle aussi, si vous voulez. J'ai pas compris. Ah oui, Tom Hardy grogne. Hardy. Je vais pas réussir à parler du film. Et bah bref, c'est très bien. Voilà. Non, voilà. Non, j'ai adoré cette puissance d'immersion. J'ai adoré ces personnages que j'ai trouvé très authentiques et ce travail sonore. Voilà, il y a un travail du son, il y a des silences qui sont que je trouve tétanisants et l'angoisse de la guerre. Mais vraiment, je l'ai ressenti à l'aide de plans sur des visages. Quand on voit, comment il s'appelle, Kenneth Branagh, que j'adore, il y a des plans où la caméra le filme et on voit dans ses yeux sa panique et on vit ça avec lui. Mais vraiment, et j'ai adoré ça. Pour moi, c'est un grand film immersif, maîtrisé. Et aussi, petite révélation, Harry Styles, là où tout le monde gueulait parce qu'il y a un des One Direction, donc forcément il va jouer mal. Bah non, je trouve que non seulement il sert à quelque chose, c'est pas un caméo. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit rôle. Et en fait, il a un vrai rôle. Et bah en tout cas, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé, à part alors Cillian Murphy, je trouvais qu'il en faisait un peu des caisses. Et d'ailleurs, petit parallèle, je sais qu'il va écouter ce podcast là, donc Maxime, qui m'a dit: j'ai pensé à toi parce qu'il y a un acteur, il m'a fait penser à Ty Sheridan. J'ai dit: ah, je crois qu'on parle du même. Non, mais c'est vrai, l'Irlandais, c'est là qui est dans le bateau et tout. Voilà, donc j'ai croché sur lui, évidemment. Je me suis dit: ah, Marie, et voilà. Content quand il l'a vu. Ah, bah oui, j'étais très content. Bon, c'est un peu le Ty Sheridan de Leader Price, mais bon, Leader Price, c'est bon de temps en temps, voilà. Donc, découvrez-le. Alors, par contre, c'est quand même un film qu'il faut vivre en salle. Devant un écran, ça va pas être la même chose, hein, surtout au niveau ça du son. Ça va pas être la même chose, parce qu'au niveau du son, au niveau de l'image. De toute façon, dès le début, moi, je trouve qu'il y a un jeu sur les silences, une utilisation des silences. C'est assez pesant, mais c'est ça comme rend dans Gravity, l'expérience. En fait, au niveau du son, c'est la même qualité. C'est le Gravity. Au niveau du sound design, en tout cas. Pour moi, ce film-là, c'est le Gravity de 2017, clairement. Je suis allé le voir qu'une fois, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, un meilleur. Enfin, est-ce que je le préfère à Interstellar? J'ai limite envie de tenter de dire que oui. Ah ouais, limite, hein. Mmh. Oui, parce que c'est tellement inattendu, quoi. En plus, ça remplit pas le cahier des charges habituel du film de guerre. Ça joue pas la carte du spectacle. Il préfère interroger ses personnages, jouer la carte intimiste plutôt que de jouer la carte du grand spectacle. Parce qu'au finalement, il y a des scènes qui sont rythmées, il y a des scènes d'explosion, mais il y a pas le gros climax de fin. On peut s'attendre à ce que ce soit calme pendant 1h30 et puis au bout de 15 minutes, on fait tout péter. Pas du tout. Je trouve qu'il y a une vraie logique dans la narration, dans le rythme, dans ce que ça, dans les images, et du coup, je trouve que le film a cueilli, quoi. Mmh. Et j'ai adoré ça. D'accord, ok. Très grand film. Pour l'instant, mon film préféré de l'année. Ah oui, carrément. Pour l'instant. Okay. Oh oui, avec Split. Ok. Donc moi, j'avais pas les informations que Morgan avait, donc j'étais un peu paumé durant le film. Bah, tu sais, c'est... quand t'es passionné, tu vas voir les films et tu te renseignes. Hein. Non mais attends. Oh, ça va. Je suis censé savoir qui est Harry Styles. Non, je déconne. Mais non. Ouais, j'étais vraiment paumé au niveau de la temporalité du film. Parce qu'on sait pas quand se passe quelle action, enfin l'action qu'on est en train de voir, on sait pas que, enfin voilà, c'est un peu, je trouve que c'est un peu dérangeant. Alors je suis sûr que quand on connaît par exemple cette échelle de temps, ça doit être plus intéressant que ce que j'ai vécu, parce que voilà, moi j'ai passé le plus clair de mon temps à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que c'est, pourquoi il fait jour, pourquoi il fait nuit maintenant, voilà. Donc, combien de temps ça met un avion à arriver jusque sur les côtes, quoi. Donc voilà. Mais sinon, le rythme est assez bien tenu. Axel se pose des questions. Voilà. Le rythme est assez bien tenu. C'est une genre de course à la montre. Et c'est vraiment assez intéressant. Le montage parallèle est bien fait, même quand on est perdu, on s'en rend compte. Voilà. Au niveau de la réalisation, bah c'est du Nolan, quoi. Donc c'est vraiment assez beau. Au niveau de la photographie, de la colorimétrie, etc., c'est assez impressionnant. Même s'il y a beaucoup de teintes bleuâtres qui sont. Bah, voilà, c'est ce qu'on peut attendre d'un film qui se passe la plupart du temps près de l'eau, enfin près de la mer. Donc voilà, mais sinon. Et d'ailleurs, au niveau de la photographie, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il est déjà dans le top au niveau sens critique des meilleurs films avec la meilleure photographie. Bon, je trouve ça un peu exagéré, non aussi. Il n'a pas prouvé non plus qu'il était par rapport à d'autres films, genre Barry Lyndon, etc. Voilà, il y a d'autres photographies, on va dire, plus intéressantes, je trouve. Mais là, voilà, c'est une idée assez intéressante du film de guerre. Voilà. Au niveau des costumes, c'est très impressionnant aussi. Il y a énormément de figurants et tous les costumes sont vraiment bien faits. Vraiment, on y croit. Oui. Bah, en même temps, c'est un point pas négligé pour un film de guerre et c'est bien fait. Voilà. Les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble. Il n'y a pas vraiment de fausses notes, je trouve. Ça joue plutôt bien. Voilà, même avec Harry Styles. Mais je sais pas qui c'est alors. Mais excellent. J'ai même envie de dire. Ouais. Il y en a qui vont faire. J'ai retrouvé des traits du Joker dans le regard. Mais il a un côté très inquiétant. Est-ce que tu peux me dire qui c'est dans le film parce que c'est un soldat. D'accord, parce qu'il y a tellement de soldats que tu sais. Heureusement que tu le précises. Bah cherche-le. Où est Charlie? Il s'appelle Alex. C'est celui qui veut balancer. Oh putain, bah je vais. Non, je spoil pas. Ouais, non, tu vas pas spoiler. Mais tu sais, c'est le Romain dans Wonder Woman. Il veut balancer, on va dire, un soldat, ouais. le soldat français. Ah voilà. Ok, d'accord, ouais, je vois. Ouais. Le raciste. Oui, non, ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais, non, ouais, bah oui. Bah, il a le style, je trouve. Harry. Il m'a pas, tu vois. Si, je vais encore faire dire, il a pas dénoté, mais voilà quoi. C'est pour moi, il y a pas de mauvais acteur. Il joue tout plutôt bien, donc voilà, il y a pas de fausses notes. Au niveau, je trouve qu'il y a un petit. Je sais que toi, t'as dit, ouais, ça joue pas la carte du film de guerre, etc. Au niveau du spectacle, ça c'est vrai. Et c'est plutôt bien fait, je trouve. C'est pas non plus le grand film grandiloquent de guerre qu'on attend. Et c'est plutôt bien joué. Mais par contre, je trouve qu'il y a un petit manque d'émotion et d'attachement au personnage. Personnellement, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Et pour un film de guerre, je trouve qu'ils auraient pu au moins faire cet effort de pouvoir s'attacher à un personnage principal. Alors c'est peut-être la volonté de Nolan et c'est une volonté que je peux respecter, mais moi personnellement j'ai envie au moins de m'attacher à un personnage. Là pour moi c'était juste c'était des soldats sans visage, et c'est peut-être un effet recherché, mais moi ça, c'est pas ce qui m'a le plus plu dans le film. Le sens de grandeur aussi qui est très bien géré, je trouve. Au niveau avec les bateaux, etc., ça fait un peu jeu vidéo, la construction du film, surtout au niveau de la plage et des bateaux, etc. Les personnages vont quelque part, ils en sortent, ils revont quelque part, ils en sortent, c'est très construction jeu vidéo, hein, c'est très niveau par niveau, tu sais, mais voilà. Checkpoint. Voilà, c'est ça. Le sound design pour moi c'est un des meilleurs trucs du film. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il aura son Oscar en sound design parce que voilà, c'est complètement mérité. Oui. C'est complètement mérité parce que ça fait très très longtemps que j'avais pas ressenti un film de guerre comme celui-ci depuis Il faut sauver le soldat Ryan, je pense. Au niveau du sens de réalité, comme ça, c'est. Pour moi, je trouve qu'il y avait plus d'attachement dans le film de Mel Gibson de l'année dernière, je sais plus maintenant comment il s'appelle. J'ai adoré le film de Mel Gibson, mais il tombait quand même dans le grand spectacle, mais c'est pour ça aussi que j'aimais le film. Que là, j'ai aimé ce côté intimiste. Ouais, mais je comprends pas. C'était très bien, Tu ne tueras point. Ouais, moi, je me suis plus attaché au personnage dans Tu ne tueras point, tu vois, que dans celui-là, que dans Dunkerque. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à Nolan, c'est que au niveau de l'émotion, c'est toujours froid, même si je trouve que dans Interstellar, Dunkerque, c'est le nord, il fait froid. Hein, Interstellar, il avait réussi à, à prouver qu'il pouvait faire quand même des scènes d'émotion qui fonctionnaient. Voilà. Et pour moi, le gros point noir du film, c'est la musique de Hans Zimmer. Qui là, on se plaint. Voilà. Non, mais on se plaint souvent de ça. Mais là, c'est littéralement ça. C'est des basses, mais c'est du. Enfin, c'est un bruit blanc. Ça, il fait quoi Hans Zimmer depuis maintenant? Non, mais. C'est limite un bruit blanc, et au bout de une heure, t'as vraiment mal au crâne. Et c'est peut-être un effet recherché. Mais moi, personnellement, c'est tout le temps des basses, mais sans aucune mélodie, quoi. C'est. Comme ça, pendant tout le film. Quasiment. Ouah, tu fais trop bien. Voilà. C'est un peu comme si tu enregistrais ton micro. C'est ça. Et là, c'est avec des basses de. Ma sœur qui ronfle. De cinéma. C'est pas avec. Enfin, c'est avec des basses de cinéma, donc c'est puissant. Et ça te fait vraiment mal aux oreilles, quoi. Je trouve que la musique, il y a vraiment pas. Enfin, alors, l'écouter. J'ai pas osé l'écouter à côté, mais je pense que sans le film, c'est encore pire. Parce que là, il y a vraiment plus rien. Là, au moins, ça accompagne peut-être certaines. La scène, ça accompagne plutôt à peu près bien, mais au niveau de la musique, je trouve c'est vraiment nul. Voilà, j'ai dit ce que je pensais de Dunkerque. On va passer à Cars 3. Non, pardon, à Valérian. Non. Hein non. Ou on aurait pu passer à Cars 3. Hein. Non, pardon. C'est parce que. Pas dans l'ordre. Oui, voilà, c'est parce qu'il y a eu un mélange de couleurs là, je comprends plus rien sur le sommaire. Mais. Pardon, c'est ma faute. C'est moi, je suis en train de faire bugger tout le truc. Pas de là, soucis. Pardon. Pas de soucis. J'ai été un petit peu en avance. Bon. Ouais. Ah oui, non, mais très beaucoup même, pardon. Ouais, on va parler de Baby Driver. Voilà. Bah non, rien, on avait dit. Non, on va parler d'abord. On va parler d'abord de Baby Driver, s'il te plaît. Donc. On fait pas une heure hein, par contre. Ouais, on va essayer de faire rapidement. Voilà. Donc, je vais peut-être. C'était très très bien, merci. Bonne soirée. Je vais laisser la parole à Eddie, puisque tu l'as vu le plus récemment. Bah oui, j'ai vu il y a moins de 24 heures. Voilà, pardon, c'est ça. Non, je disais Eddie. Qu'est-ce qu'il dit? Eddie. Bien sûr. c'est très moche. vas-y. Je suis perturbé. Donc Baby Driver, film réalisé et scénarisé par Edgar Wright, sorti le 19 juin 2007 en France. Parfaitement. Voilà, avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Hamm, Jimmy Fox et Zach Gonzalez. Voilà, pour les rôles principaux. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup aimé. je pense à ma femme. Enfin, pardon. N'importe quoi. Non, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé, oui. Que dire rapidement? Parce que du coup, j'ai pas fait de critique encore. Vous avez l'exclu, c'est cool. Non, j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où c'est peut-être pas exceptionnel en termes de scénario et tout ça. Oui, Adrien, j'ai aimé. Mais en fait, du coup, tout le film se joue vraiment sur la mise en scène, sur les références musicales, sur les acteurs. Donc, en fait, le scénario, c'est pas un faire-valoir, mais c'est vrai qu'il pourrait paraître un peu fonctionnel. C'est toute la manière dont il est raconté, en fait, qui fait la force du film. Ouais. J'ai trouvé ça très, très divertissant. Il n'y a pas de temps mort et j'ai trouvé que je ne vais pas arriver à le sortir. J'ai trouvé que finalement toute l'émotion en fait passée par la manière dont les situations sont racontées et la mise en place en fait du personnage principal qui est joué par Ansel Elgort. Qui est très très bien d'ailleurs, et ça me fait vraiment regretter que ça soit pas lui qui joue Han Solo finalement. Ah ouais, ça aurait été tellement bien. Ouais. Je trouve qu'il aurait été tellement mieux que moi. N'est-ce pas Morgan? Du coup voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je serai plus détaillé dans ma critique parce que je vais être plus à l'aise pour mettre tout ça à plat. Mais vraiment, c'est une bonne expérience. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément toutes les références à Edgar Wright parce que je connais pas beaucoup de ses films. Est-ce que t'as déjà vu un de ses films? Mais je crois pas en fait. Ok, d'accord. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. T'as pas vu Shaun of the Dead, Hot Fuzz? Ben non, j'ai toujours pas vu. Et je crois qu'il est plus sur Netflix, donc du coup, je pourrais pas le voir. Ouais. Mais j'avais prévu, hein, mais le problème c'est que Netflix, oui, non, j'en mets plein dans ma liste, il est et j'en vois pas il la est moitié. Pas sur Netflix, je crois. Ils sont pas sur Netflix. Donc du coup, non, j'ai trouvé ça vachement bien. Après, voilà, j'ai pas forcément les références à ce réalisateur, donc du coup, c'était aussi ce qui me fait dire. Après, oui, pour rester objectif, c'est vrai que c'est assez classique. Enfin, je veux dire, le scénario n'a rien d'exceptionnel, quoi. Mais je trouve que c'est tout ce qui fait. C'est tout ce que le réalisateur insuffle derrière qui rend le film intéressant. Et c'est vrai quand même que, pour le coup, je trouve que le personnage principal, il a vraiment une histoire, il y a du fond, donc c'est bien. Voilà, c'est pas Spider-Man, quoi. Donc, non, moi, je suis assez surpris et content. Okay. Et ça fait du bien de voir que Ansel Elgort, justement, peut jouer autre chose que bah, le rôle tout pourri et sans relief qu'il a dans Divergente. On voyait déjà dans Nos Étoiles Contraires, quand même, qu'il y avait un truc avec ce mec-là. Et c'est bien, ça se confirme ici. Bon, après, Kevin Spacey, évidemment, bon, voilà. Enfin, moi, je l'ai jamais vu mauvais, de toute façon. Donc, très bonne surprise encore une fois. Ouais. Il est à l'aise dans ce rôle un peu dégueu quand même. C'est vraiment pas un rôle. Mais ouais. Il est quand même. Bon, on va pas spoiler, mais voilà. Il est sympathique sans être sympathique, disons. Voilà. Après, je pensais qu'on aurait plus vu John Bertnall. Bertnall, je sais plus. Ouais, voilà. Bon, m'attendais à plus. J'ai été surpris et en bien par Lily James parce que moi je la connaissais que de la version live de Cendrillon et maintenant dans Downton Abbey puisque j'ai commencé la série que je vous recommande d'ailleurs où elle joue un rôle de cruche dans la série, faut dire ce qui est, un rôle d'ado quoi qui veut s'émanciper et tout, donc c'est un peu chiant, c'est un peu classique. Et là c'est vrai que pour le coup c'est ça, voilà, ils en font quelque chose de bien et ça prouve que l'actrice elle est pas mauvaise finalement, donc c'est cool. Après voilà, les autres rôles sont un petit peu plus caricaturaux. Jamie Foxx, bon ouais, c'est il m'a un peu il m'en a touché une sans faire bouger l'autre, hein, pour parler poliment. Et sinon les deux autres là, les deux amoureux là, John Hamm, Darling et voilà, John Hamm et l'autre je sais plus comment elle s'appelle, Eiza Gonzalez. Ouais, alors après la scène de la fusillade avec les flics, j'ai trouvé ça assez fun parce qu'elle est complètement barge en fait. Mais l'actrice est complètement dingue, le personnage. Donc c'est assez fun, assez drôle. Voilà, moi j'ai bien aimé, il y a vraiment des bonnes scènes. Toutes les scènes de conduite sont cool. Enfin, je trouve que c'est, ça n'a rien à envier à The Fast and Furious. Pour le coup, c'est vachement mieux. On même, est loin, en fait. C'est une chose, ça, donc, non, moi j'ai trouvé ça très bien. Rythmé, intéressant, bien foutu. Et voilà, ça fait pas juste passer le temps, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. Ok. Adrien. Bah, moi, je sais pas comment dire. J'y suis allé un petit peu dans l'appréhension parce que je trouvais qu'on disait déjà beaucoup de bien, que c'était le meilleur Edgar Wright et tout ça. Moi, faut savoir que je suis très fan, que j'ai vu tous ces films. Et en sortant du film, ça a un peu concrétisé mes craintes. C'est-à-dire que c'est un bon film, hein, j'ai pas grand chose à reprocher en soi. C'est juste que. Alors, déjà, le motif des scènes en musique, de l'accord des musiques et des séquences. Il est intéressant, ça a déjà été fait par Matthew Vaughn notamment, et je trouve que ça avait été mieux fait pour le coup, par exemple, dans Kick-Ass. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la musique est un personnage du film. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que ce mec-là, qui est joué par je sais plus comment ça se prononce. Ansel Elgort. Ansel Elgort, Baby, vide pour la musique. En quelque sorte, la musique, c'est une partie du personnage. En fait, la musique devient au fur et à mesure du film un personnage en soi, puisque c'est ce qui rythme sa vie, en fait, tout simplement. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une idée très intéressante. Et finalement, ça justifie le fait qu'il réutilise un petit peu ce... C'est tout ce qui se passe dans sa tête, la musique. Cette espèce de poncif, en tout cas, cette espèce de chose que Matthew Vaughn a un petit peu poussé à son paroxysme, qu'il réutilise ça, mais qu'il en fasse un personnage du film, ça, c'est très intéressant. Je trouve que sur la musique, en fait, le film réussit là où Drive échouait. Ah non, je sais pas, non, pour moi c'est très différent parce que Drive, c'est pas le même motif. Bien sûr, mais en fait, il y a ce côté, ces deux chauffeurs qui parlent pas beaucoup quand même. Et en fait, Hansel Elgort parle plus, mais je trouve qu'en fait la musique traduit mieux ses émotions, traduit ses émotions. Et en fait, moi, c'est ce qui me gênait dans Drive, c'est que du coup, Ryan Gosling déjà, ne parlait quasiment pas, non, et du coup, il n'y avait rien. Je crois vraiment que je comparerais pas, mais parce que je trouve que non, les mais c'est, non, mais pas, je parle pas je compare pas les films en eux-mêmes, mais sur les deux personnages en fait. Ouais, d'accord. C'est parce que c'est deux chauffeurs, hein, c'est tout bête. Hein, mais je trouve en fait que il y avait rien en fait. Les émotions de Ryan Gosling, j'arrivais pas à me les. Elle est figurée, ouais, ça je peux comprendre. À me les représenter en fait. Il y avait rien qui m'aidait à côté. Et c'est ce qui fait que j'aime pas Ryan Gosling dans ce film. Mmh. Contrairement à ici, où du coup, c'est ponctué avec quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est ce qui permet de lui faire la force du film. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est un acteur qui est finalement, même sans parler, quand même très expressif. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Après, j'ai quelques petits soucis. Je trouve qu'on parle. C'est un peu le même procédé que dans le Millennium de Fincher, par exemple, avec. C'est Rooney Mara, je crois. Oui, il me semble. Qui joue Lisbeth Salander, où justement tout son côté enfant ressort par plein de trucs. Tout à fait. Voilà. Bah, à propos justement du personnage féminin, c'est un petit peu ce qui m'a dérangé, mais c'est ce qui me dérange bizarrement assez souvent chez Edgar Wright. Si je trouve qu'on parle souvent beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a comme un passe-droit, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des personnages féminins dans les Suicide Squad, dans les ce que tu veux, mais qu'on occulte un peu ce qui se passe chez Edgar Wright, et je trouve qu'une fois de plus, c'est des potiches, quoi. Enfin, je veux dire, je crois qu'on a deux personnages féminins dans le film nommés. T'en as une, c'est plus ou moins la copine de Baby. Et voilà, c'est une espèce de potiche qui est là que pour se faire sauver presque par lui, même s'il y a 2-3 traits de caractère intéressants. Qui est pas totalement cruche non plus. Ouais. Hein. Quand même, je trouve que c'est pas très fin. Je trouve que son écriture est pas très fine. Ouais, si elle était totalement cruche, elle aurait pas du tout cherché à se défendre. Non, c'est vrai, mais à côté, elle aurait juste crié. À côté, on a cette espèce un petit peu de bimbo là avec. Je sais pas, je trouve que c'est souvent un problème chez Garrett et je trouve que c'est quelque chose dont on pourrait peut-être plus parler en général. Je trouve que c'est. Je comprends pas pourquoi on en parle pas plus, alors que c'est souvent un motif qui dérange dans les blockbusters aujourd'hui. Après, bon, voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Tous les acteurs sont justes. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, par exemple, chez Scorsese, voilà, où les personnages féminins sont pas forcément. Alors, en l'occurrence, je trouve que chez Edgar Wright, c'est déjà plus automatique qu'on ait des personnages féminins, soit inexistants dans la trilogie Cornetto, soit comme ça un peu fonctionnel. Avec une exception pour Scott Pilgrim, qui pour le coup avait un vrai personnage féminin. Et c'était basé là-dessus, mais ce qui est dingue, c'est que tous les acteurs c'est extrêmement bien joué. Ça m'a totalement surpris que ce soit Ansel Elgort, que ce soit tous les autres, Kevin Spacey, Jamie Foxx, même les personnages un peu caricaturaux, comme tu dis, je trouve qu'ils sont tellement incarnés que pour moi ça fonctionne. Je pensais pas bien. Qu'il était si jeune, moi, Ansel Elgort. Voilà, moi je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai vraiment découvert. Il a un vrai charisme. Pour moi, cet acteur-là, c'est vraiment une découverte et je trouve ça extrêmement bien joué. Après, on s'amuse bien, hein, c'est pas le problème. Vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusé. Mes soucis, c'est que je considère que dans la carrière de Wright, qui a toujours eu un univers, qui a toujours eu quelque chose qui fait ressortir, que ce soit dans la trilogie Cornetto, où il avait cet humour qui ressortait, ce côté un petit peu absurde et le côté parodique, ou dans Scott Pilgrim, qui pour le coup avait un univers visuel incroyable et des références à la pop culture de partout et qui formait le film. Là, en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a pas d'univers reconnaissable. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En termes de mise en scène. C'est du Matthew Vaughn quand même, même si le motif est différent. Non. Je trouve que c'est pas le premier à avoir fait ça. Je trouve que ça se voit un peu. Je trouve qu'au-delà du motif de mise en scène, je trouve qu'il en fait pas grand-chose. Il n'y a rien de marqué, tu trouves. Je trouve que c'est pas marqué. C'est ça mon problème. Je trouve que c'est pas marqué. C'est-à-dire que c'est très bien réalisé. C'est virtuose complètement, mais en quoi moi, je trouve que la musique marque bien les choses pourtant. Bah moi franchement tu m'aurais dit que c'était pas du Edgar Wright, que c'était autre chose, du Matthew Vaughn, un truc comme ça, m'aurait pas choqué. Non, il y a des tics de réalisation qui sont qui sont vraiment qui sont dignes à Edgar Wright. Je les ai juste pas ressentis, mais après, c'est possible, donc là moi mon point de vue il est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois je trouve ça bien et si le quart des blockbusters d'aujourd'hui pouvait être comme ça aussi bien réalisé ça serait bien, mais d'un autre côté je trouve que dans la carrière d'Edgar Wright, c'est presque un film anecdotique, même si c'est celui qui, paradoxalement, je crois, fonctionne le mieux au box-office. Pour moi, c'est peut-être plus gros casting que c'est peut-être le film le plus anecdotique d'Edgar Wright. D'accord, ok. Morgan. Oui, mais moi, je vous trouve un peu mou. J'ai vraiment adoré ce film. Ah oui. Mais carrément, j'ai pris un... Un pied monumental et encore une fois inattendu parce que je n'ai pas du tout le même amour que la vindique populaire pour Edgar Wright. Je suis pas là à dire oh, Scott Pilgrim c'est trop bien, je n'aime pas ce film. Je suis pas là à dire oh, Shaun of the Dead c'est magnifique, j'aime ce film mais ça va sans plus, je trouve qu'il y a mieux. Enfin voilà, donc voilà, dans un premier temps c'était pas le film pour moi parce que j'avais peur justement de retrouver tout ce que je n'aime pas chez Edgar Wright. Enfin, en tout cas, dans Scott Pilgrim, c'est tout ce que je n'aime pas au cinéma. Vraiment. D'accord. Je n'aime pas du tout ce film, qu'on se le dise. Et là, en fait, dès la scène d'intro, j'étais convaincu. Je la trouve géniale, quoi. Elle dure 8 minutes. Moment de bravoure, de folie. Et là, je me suis dit, ok, si tout le film est comme ça, ça va me plaire. Et j'ai vite compris que le personnage d'Ansel Elgort, c'est... qu'il allait en fait pendant 2 heures nous balader au rythme de son iPod et que la musique, hein, les chansons qu'on entend, c'est le scénario. C'est ça, ce sont les dialogues. C'est ça qui est fascinant. Ça, je suis... Et j'ai aimé ce côté, je me suis dit, c'est la première fois que je vois, on a eu La Land cette année, et là je vois une comédie musicale d'action. Et le jeu, la façon, et moi j'adore la musique, je suis un grand mélomane. C'est très fort, une comédie musicale où les acteurs ne chantent pas. Voilà, je suis très fan de Dorothée et de Maître Gims, donc voilà, j'adore la musique, vous le savez. Et le pire, c'est que c'est vrai, j'adore Dorothée et Maître Gims. On a déjà entendu parler trop. Voilà. Trop. Et je me suis dit, j'adore la musique au cinéma, parce que quand je vais voir un film, quand ils utilisent des musiques additionnelles, vous pouvez être sûr qu'à la sortie du film, même une musique que je n'aime pas, bah la preuve, Bella de Maître Gims dans L'économie du couple, j'aimais pas cette chanson, je l'ai entendue dans le film, j'adore la musique. Donc le cinéma a donc parfois de me faire vibrer au rythme des musiques. Et en fait, les musiques donnent à toutes les scènes une dynamique qui pour moi ne faiblit jamais. Une question, tu l'as vu en VOST ou en VF? Je l'ai vu en VF. Ouais, bah moi aussi j'ai eu que l'occasion de l'avoir en VF. J'ai vu en VF, aussi, en VF. Je trouve la VF, voilà, très bien. Je suis pas un anti-VF de base. Et c'est ça qui m'a vraiment bluffé dans le film. Et comment il arrive à maîtriser sa démarche jusqu'au bout. Sans négliger les personnages. On faisait le parallèle avec Drive, je trouvais que Drive, il y avait une technique qui était maîtrisée objectivement, ok, mais le film, pour moi, je trouve clairement chiant. Ouais. Voilà, le film, il me touche pas, il me parle pas. Que là, on me raconte une histoire, on me raconte l'histoire d'un personnage qui a des émotions, qui a des problèmes. Je trouve que le rapport qu'il a avec... enfin, c'est même pas son grand-père, c'est le gardien en fait. C'est le gardien qui. Je trouve cette relation juste. Son père, son grand-père adoptif, ouais, non c'est ouais, voilà, son grand-père adoptif. Et je trouve cette relation juste bouleversante. Elle est fine, c'est pas pathos. Et ça trouve justement. Enfin, jusqu'à la fin, j'ai pleuré, moi, vraiment. Ouais. J'étais ému aux larmes, je trouve ça magnifique. Et c'est. J'ai aimé la manière dont Edgar Wright nous fait vivre ce film, nous fait vivre cette histoire au rythme d'une playlist, quoi, qui est généreuse. La playlist, en fait, est à l'image du film. Généreuse, moi, je trouve que la relation avec son père ou son grand-père adoptif, elle est crédible, surtout. Ouais, c'est ça. Complètement. C'est écrit, et surtout, ils utilisent un acteur qui est... Enfin, C.J. Jones, qui est un acteur qui est vraiment sourd. Et tout l'aspect langue des signes est tellement bien... Enfin, tellement approprié au film, c'est parfait dans le film, c'est vraiment j'avais jamais vu ça, enfin j'avais rarement vu ça, la langue des signes aussi bien maîtrisée dans un film, surtout au niveau des sous-titrages etc, qui se font pas en dessous comme à la base et qui se font directement dans le cadre, c'est vraiment très, enfin moi j'ai vraiment apprécié ça aussi. Morgane, vas-y, continue. Et du coup, c'est ça qui m'a plu, parce que en plus, c'est pas au détriment du scénario. C'est pas qu'un délire de mettre, je vais mettre des musiques, je vais la jouer cool et tout. Non, les musiques ont un vrai sens, veulent vraiment traduire quelque chose, traduisent les émotions des personnages et nous font comprendre beaucoup de choses sur l'intrigue, sur ce qu'ils sont. Et je trouve le tout vraiment bien écrit. Et les acteurs sont énormes. De toute façon, moi, je trouve que le simple fait déjà que avant un braquage. Ils remettent sa musique au début sur son iPod. Ça exprime toutes les intentions du réalisateur, je trouve. Tout à fait. La musique dans mon film va raconter quelque chose. Elle sert à quelque chose. Elle est pas là pour faire joli. La musique va narrer justement toute la scène d'action qui va suivre. Elle est importante, on la remet au début. Et ça, je trouve que c'est bien, en fait. Oui, voilà, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas, du coup. Et oui, il s'inspire clairement de son vécu aussi. Hein. Enfin, ouais. Il me semble qu'il l'a dit. Donc j'ai aimé, voilà, c'est personnel, mais à la fois très grand public, généreux, avec une maîtrise des scènes. C'est très accessible parce que c'est vrai que moi j'ai pas vu de film de Edgar Wright et finalement je suis rentré dedans sans problème, quoi. Ah ouais, non mais. Après, je pense pas que ça soit un réalisateur qui soit très complexe à aborder non plus. Il a un univers bien à lui, des références, mais je pense qu'après tout le monde peut quand même voir un. En fait, je pense. C'est pas Terrence Malick. C'est accessible, mais en même temps, si tu creuses un peu, c'est vraiment réfléchi et intelligent. Mais c'est ça qui est bien, justement. C'est ce qui, c'est un Martin Scorsese par exemple. Les Affranchis, c'est accessible pour tout le monde. Mais quand tu creuses un peu, tu te vois que tous les plans ont été faits au millimètre près. Ouais, bien sûr. Voilà, que tout veut dire quelque chose. Et voilà, c'est ça que, enfin moi personnellement, c'est ce que j'adore. Et c'est ce que j'ai adoré dans le film aussi. Et sa générosité, et je trouve que ça fait du bien de voir des films généreux. C'est un mot que j'emploie beaucoup quand j'adore un film, mais quand un film me séduit par sa générosité, ça me suffit en grande partie. Et en plus, derrière, il y a la maîtrise et les acteurs. C'est un plaisir de voir. Mais après, tu sais, c'est humain. Hein. On a beau se dire. Les gens, quand tu leur dis, moi je suis assez. Je suis cinéphile, j'aime aller au cinéma, me renseigner sur les films et tout, mais faut. Enfin. Ça reste humain d'apprécier un film parce qu'il est divertissant aussi. Hein. Et pas que, je trouve que c'est ce que le personnage d'Ansel Elgort. Enfin, je veux dire, c'est pas péjoratif d'aimer un film parce qu'il nous a diverti. Là, en plus, il a un film formidable. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a non, parce que le personnage d'Ansel Elgort. Oui. Parce que je trouve que t'as dans le chez les cinéphiles, justement, t'as tout un groupe qui, voilà, dès que c'est un peu trop divertissant, ouais. Ah non, on peut pas aimer ça parce que c'est trop divertissant, enfin ça nous apporte rien de plus. Oui, mais non, quoi. Non, mais voilà. Oui, non, mais après, dans le cas de Baby Driver, il a effectivement l'aspect divertissement qui remplit parfaitement son contrat, mais derrière, il y a un vrai fond. Et le personnage d'Ansel Elgort, personnellement, je me suis totalement identifié à lui, parce que je suis comme lui. Moi, j'ai besoin de la musique quand je sors, j'ai besoin de la musique quand je prends ma douche, j'ai besoin de la musique. Mais partout, j'ai besoin de musique. La musique, c'est ce qui me fait avancer, clairement. Ouais. Même quand je travaille le matin, j'ai besoin de la musique. Oui. Et il y a une proximité avec le personnage, et encore une fois, au niveau des acteurs, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver Kevin Spacey dans un bon rôle, je trouve classe, et ça me fait plaisir, voilà, parce que le truc avec les chats là que j'ai pas vu, ça avait l'air horrible. Dieu, non. Enfin, moi j'ai je l'ai jamais vu mauvais, c'est que j'ai pas vu forcément et du coup moi, Kevin Spacey, ça restera éternellement American Beauty, hein, mais bon. Oh, c'est fun aussi. c'est bien sûr. Il était très bien en l'exclutor. C'est vrai. Et la vie de David Gale avec Kate Winslet, que je vous recommande, qui est exceptionnel. Il est génial dans le film, il est magnifique. Et Kate Winslet, Eddie, si t'aimes Kate Winslet, je peux te dire que dans une des scènes de fin, tu pleures. Je t'assure. Moi, tu sais, je pleure souvent. Avec une BO sensationnelle, et d'ailleurs la musique du film était beaucoup utilisée, fut un temps, pendant les bandes annonces. Voilà. Comment tu dis que ça s'appelle? La vie de David Gale. Et c'est une histoire vraie. Hein. C'est un prof qui est accusé d'avoir tué et violé, je crois, une de ses élèves. D'accord. Et donc elle veut le défendre, etc. Enfin voilà. Et il me semble que c'est ça, hein, où il y a juste le meurtre. Enfin bref. Donc regardez-le, je vous le conseille. Mais en attendant, Baby Driver, c'est génial. Voilà. Ok, nickel. Je vais pouvoir parler. pour moi, enfin, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. En fait, si je l'avais pas mis dans mes attentes de 2017 pour le podcast bilan 2016, c'est parce qu'il n'était pas annoncé pour cette année. Je pensais qu'il sortirait l'année prochaine. Et du coup, il aurait trusté la place numéro 2, même peut-être la première. Je suis un vrai amoureux du cinéma d'Edgar Wright. Et je pense que quand on aime un cinéaste, on est un peu comme lui, on aime un peu les mêmes choses et on attend les mêmes choses. On a envie de voir les mêmes choses au cinéma. Et en fait, moi, j'avais un souci avec ce projet. C'est que je suis un peu. J'avais entendu une interview de Brian De Palma et je suis assez d'accord avec lui. Je suis un peu comme lui. Les scènes avec des voitures au cinéma. Ça m'ennuie au possible. Pour moi, je trouve qu'il y a très peu de place laissée à l'imagination. Et on se retrouve souvent avec les mêmes plans non inspirés, banals. Et comme le dit souvent Eddie ici, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre. Vraiment, les scènes de bagnole, c'est ce qu'il y a de plus chiant pour moi, de plus ronflant au cinéma. Je préfère des scènes de dialogue pas inspirées qu'une scène de bagnole chiante à mourir. Mais malgré tout cela. Le film m'a fait comprendre ce que c'est qu'une vraie scène de course-poursuite dès ses premières minutes, qui t'en met plein les yeux et les oreilles. Pour moi, ce film, c'est une vraie merveille, un délire visuel et musical comme Edgar Wright a le secret de les faire. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Pourquoi j'adore le cinéma d'Edgar Wright ? C'est parce que quand je regarde un de ses films, et quand, même qu'on l'ait vu, j'ai vu deux fois Baby Driver, qu'on l'ait vu deux fois ou cent fois, on découvre toujours quelque chose de nouveau visuellement. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup son storyboard, qui sait exactement ce qu'il filme, pourquoi il le filme de cette manière et pas d'une autre, et qui récompense le spectateur pour sa curiosité. Je prends un exemple très rapide, l'exemple de la scène de générique après l'intro, avec la course-poursuite de la voiture, celle où Baby va chercher du café. La première fois que j'ai vu, j'étais tellement sonné par la première scène que j'ai pas remarqué qu'il y avait les paroles incrustées dans le générique. Dans le background, par exemple, les paroles de la chanson sont incrustées par des tags, par des morceaux d'affiches. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas peut-être tout de suite. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, je me suis dit, ah, mais punaise, mais comment j'ai pu louper ça? Et je suis sûr que j'ai loupé encore plein de choses. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment chez Edgar Wright, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Le montage est toujours impeccable. Ici, il décroche la mâchoire à n'importe qui a mis déjà la main sur un logiciel de montage, avec son raccord parfait entre les sons, la musique et les images, qui tient du perfectionnisme jusqu'au boutisme. C'est trop cool ça. Jusqu'au boutiste hein, du bonhomme, c'est vraiment quelqu'un qui travaille à fond sur, qui a travaillé à fond sur le rapport entre la musique et les sons et les images. Et pour moi, ça, enfin, j'avais été impressionné par ça dans Kick-Ass, et pour moi, je trouve qu'il lui met 100-0 avec juste la scène de fusillade avec les flics et dans le hangar. Ouais, j'ai été sur le cul quand j'ai vu toutes ces scènes. Je croyais pas mes yeux de ce que je voyais. Les personnages sont tous intéressants. Ils ont tout juste assez d'exposition pour qu'on comprenne leur psychologie, comment ils fonctionnent et d'où ils viennent, sans nous charger non plus de backstories inutiles qui alourdiraient l'histoire. Comme Morgan l'a dit, moi je me suis aussi énormément identifié à Baby, alors que je suis pas non plus, enfin je suis pas un chauffeur, je conduis pas des criminels, enfin voilà, c'est surtout le rapport à la musique et le personnage, je me suis beaucoup identifié à lui. Vous savez sûrement, si vous écoutez cette émission, que je suis un dingue de musique, comme Morgan. De toute façon, moi quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite compris pourquoi t'avais adoré. Ouais, ça c'est clair. Je vis, je respire musique toute la journée. Je suis comme Morgan, hein, j'ai besoin de ma musique tout le temps. Je chante la vie, je danse la vie. Je joue de la musique. C'est ça. Si la seule application qui est toujours ouverte sur mon téléphone, c'est Spotify. Il y en a pas une autre. Et un abonnement en plus, parce que du ou coup, Deezer ou ou YouTube, voilà. Il y a Pornhub aussi. Ami de la poésie. Et si c'est pas sur Spotify, c'est sur ma platine CD, etc. Enfin voilà, je n'écoute tout le temps. Et même plus. Et alors, vous savez déjà que j'ai été aux anges en écoutant la bande son absolument parfaite du film. Quelques noms juste pour vous faire comprendre le niveau d'excellence. Bon, il y en a certains qui sont plus connus que d'autres, mais il y a Bob and Earl, Jonathan Richman and the Modern Lovers, Beach Boys, Carla Thomas, Commodores, T-Rex, Beck, Sam and Dave, Blur, Barry White, Queen, Simon et Garfunkel. Beck, c'est vrai. Simon et Garfunkel avec la chanson justement Baby Driver, et j'en passe et des meilleurs. C'est éclectique. Et c'est que du bon, franchement, et c'est tout ce que j'aime. Et justement, il est très généreux, comme tu disais, Morgan, au niveau de sa mise en scène et au niveau de sa bande-son. C'est juste parfait. Les acteurs sont incroyables. Moi, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était extrêmement touchante. Et justement, comme toi, Morgan, j'ai pleuré à la fin. Le scénario, bien que simple, quand on le décompose, s'enchaîne avec tellement de facilité et si bien découpé que cela permet au film de garder un rythme assez extraordinaire. Parfois, une bonne histoire simple et travaillée vaut mieux qu'une mauvaise histoire compliquée et fouillée. Alors, complètement. Ouais, et ce qui possède pas en développement compliqué l'histoire, il le compense par une mise en scène et un montage vraiment poussé et réfléchi. Voilà. J'en ai dit que la moitié de ce que je pense, mais c'est pas grave. C'est mon film de l'année pour l'instant. Star Wars 8 va vraiment avoir beaucoup à m'en mettre dans la gueule pour rattraper ce que Baby Driver m'a foutu dans la tronche avec ce film. Donc voilà, moi j'ai surkiffé, et vous savez déjà mon top 1 pour cet été 2017, mais c'est pas grave. Voilà. On va passer rapidement, parce que là on est très en retard. Cars 3, Morgan. Non, Valérian. Ah, Valérian. Oui, être... Valérian, pardon. Ouais, ça Valérian, va être rapide Valérian. Sur Valérian. Je vais, être, allez, je vais faire une minute parce à peine. Tu es le seul à l'avoir vu. Hein. Moi, je voulais oui, pas je suis le seul à l'avoir vu hein. Et le seul à l'avoir attendu parce que je voulais soutenir le film. Parce que pour moi, c'était ambitieux. Effectivement, c'est ambitieux. D'accord, c'est fait en France. D'accord, j'en démords pas. Néanmoins, ok, visuellement, c'est beau. Ça, je vais pas faire le difficile. Je me suis laissé avoir par les. Par c'est plus beau que dans les bandes annonces. Ah oui, non, mais visuellement, c'est magnifique, il n'y a aucun problème. Il y a un univers, etc. Le problème, c'est qu'on s'en fout. Voilà, moi, le problème que j'ai eu avec ce film-là, c'est que ça ne m'a pas intéressé. J'ai trouvé juste ça beau. Et je trouvais qu'il n'y a rien à côté n'était vraiment approfondi ni palpitant. Les personnages vide, sont un peu. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux. C'est pas très bien écrit. Au niveau de l'intrigue, c'est assez ronflant quand même. C'est juste beau et c'est dommage. Mais j'ai l'impression que Dan DeHaan, il a été bon que dans Chronicle en fait. Non, dans le film vrai. Là. Dans le film normal, il était pas mal. Non, regardez là dans le film formidable qui est sorti, là, A Cure for Life, de Gore Verbinski, oui, qui était génial, génial. Et non, c'est un super acteur, hein, j'adore ce mec. Mais en tout cas, voilà, je trouve que Valérian, c'est un gros projet, c'était un gros truc, un gros challenge, mais je trouve que bah il se vautre beaucoup, beaucoup. Okay. En tout cas, sur son aspect d'écriture. Okay. Visuellement, c'est dommage, il y avait de la matière. Cars 3. Et sur Cars 3. Alors moi sur Cars 3, je n'ai vu que le premier il y a très longtemps, j'en avais aucun souvenir. J'ai zappé le 2, on m'a dit que j'avais raison. Je suis allé voir le 3 parce que on m'avait dit je que ça allait le être. 2, moi. On m'avait promis que ça allait être, en tout cas, hein, les bandes annonces promettaient que ça allait être plus mature et plus sombre que d'habitude. Or j'ai trouvé que c'était aussi ronflant. je trouve que le film, c'est au final un Pixar très mineur, mais vraiment peut-être le plus mineur que j'ai vu. Ah, Arlo même, devant alors. Ah bah même Arlo est devant, parce que je m'intéresse pas. Alors là c'est très subjectif, mais on peut me faire croire tout dans les films d'animation. On peut me faire croire aux jouets qui sont vivants. On peut me faire croire aux aliens. On peut me faire croire aux animaux. Oui. Je n'arrive pas à être touché par des voitures qui parlent. Je n'y crois pas. Merci Morgan. Je ne peux pas. C'est-à-dire que alors après, on va dire oui, mais ok, d'accord. Mais je n'y arrive pas parce que je sais que quand on me dit ça, on parle de Toy Story. Mais parce que Toy Story, qui ne s'est jamais dit en sortant de sa chambre, je suis sûr que mes jouets sont vivants. Merci parce Morgan. Parce que j'y crois. Moi, j'y crois je quand dis j'étais ça petit. À tout le monde. Tout le monde me fait cette réflexion. Voilà. Non, mais ils moi, nos je jouets, suis... on leur insufflait quelque chose voilà. Quand on jouait avec eux. On leur exactement. Donne un semblant de vie. Oui, mais les voitures, elles sont designées pour avoir un visage ouais, et non, tout. Mais... Peut-être, mais c'est pas vivant, une voiture. Ouais, non, une voiture ça, de base, c'est pas... Pas c'est pas... Ça, pour moi. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, faut ah non, mais non, mais non, justement, j'ai... Ah bah non, mais justement, je n'accepte pas. Donc là, je parle dans subjectivité la plus totale. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Je peux pas m'attacher à Flash McQueen. Je peux pas m'attacher à ce qui... Voilà, cette histoire-là puis, ne ça, ne c'est un univers complètement mécanique. Ça me paraît pas... Ah ouais, voilà, moi, l'univers calqué m'intéresse pas. Calqué sur le monde pas. Des humains, c'est ça, en fait. C'est que c'est pas assez original, en fait, je pense. Ouais. Et même si on veut après aller dans l'objectivité, je trouve que en matière de scénario, ça raconte... des choses qu'on a vues 20 000 fois dans... c'est voilà le héros désabusé qui se remet en question, puis qui va revenir à la fin, puis attention, il y aura une passation de pouvoir, mais tout est... On voit tout venir à des kilomètres, si je puis dire. Donc du coup, j'ai trouvé ça totalement vain, et même visuellement, autant Arlo, finalement... Oh, si, visuellement, je pense que c'est pas bien. Visuellement, c'est super, tu rigoles ou quoi. C'est sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, je suis pas sorti du film en me disant, tiens, visuellement, autant Arlo, il y avait peut-être une image ou deux, je me disais, ok, d'accord, oh, il y a non, quelque arrête, chose. Non. Mais alors, non. Les séquences de course, elles sont limite photoréalistes, excuse-moi. Non, visuellement, c'est oui, formidable. Oui, non, si. Arlo, hormis le design après des dinos et le design des personnages en général qui était fait volontairement cartoon, les décors c'était hyper impressionnant. Enfin moi ça m'a oui bluffé, voilà hein. Justement c'est ça que je veux dire oui, justement en matière de côté photoréalisme et tout. Je trouve que dans Arlo ça prenait mieux que là. Ok après c'est tellement pour moi il y a tellement pas après, d'enjeu après, même comme, dans les scènes de course comme on me l'a rien. Dit c'est très beau hein, ce que fait Pixar, c'est visuellement les décors et tout, c'est en général c'est magnifique, enfin les décors naturels dans Arlo et tout, mais rien que même apparemment les détails sur Cars et tout, le rendu de l'eau et tout, c'est apparemment c'est enfin moi dans le premier et dans le troisième apparemment c'est vraiment très bien, mais du coup c'est presque même plus du film d'animation quoi, tellement c'est bien fait. Alors ouais. Oui, alors que Cars, moi, j'ai pas trouvé que c'était plus beau qu'autre chose. Ouais. Et voilà, peut-être que de base, parce que les personnages. Enfin, moi, quand je n'accroche pas aux personnages, surtout dans les films d'animation, c'est très difficile pour moi de me faire rentrer dans le film. Et du coup, je suis resté sur le carreau pendant une heure et demie. Ok. D'accord. Adrien. Bah écoute, moi je suis moins négatif, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé ça génial non plus. C'est vrai qu'en termes de fond sur la passation de pouvoir, sur les thèmes d'héritage, choses comme ça, c'est très agréable à regarder, c'est un très joli film, mais c'est vrai que ça invente rien. Ça pour le coup, ça raconte des choses, enfin, je veux dire, voir Rocky Balboa c'est pareil, vraiment. Non, voir Creed c'est pareil, ça raconte vraiment la même histoire. D'accord. Mais passer cela. Je trouve qu'on est quand même loin de la traversée du désert qui était quand même Cars 2. D'accord. Qui était pour le coup une horreur monumentale avec des gags vulgaires, d'un personnage principal jamais attachant, jamais réussi. Même visuellement, c'était très pénible. C'est un espèce d'hommage au film d'espionnage. Ça n'avait aucun intérêt d'y mettre des voitures. Enfin, là pour le coup, c'est un film qui n'avait aucun intérêt. Et là, je retrouve un petit peu quand même la fibre du premier film, où le premier film, c'était une espèce de finalement. D'hommage à la route 66, au mythe de la route 66, ce genre de choses. Donc c'était quand même quelque chose qui avait du sens à faire jouer par des voitures. C'est là que je suis pas d'accord avec Morgan. C'est que je trouve que les voitures, ça a du sens dans ce que ça raconte en termes de nostalgie et en termes de régression d'enfant finalement, un petit peu de jeu avec des petites voitures. Donc le deuxième film faisait pas ça, et là on retrouve un peu ça dans le troisième film, mais c'est un film qui essaie, comme Toy Story 3, de parler à des adultes. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas assez vieux. Enfin, je sais pas comment dire. Le problème, c'est qu'on n'a pas connu Cars assez jeune. Cars, c'est Cars 1, c'est un film qui est sorti. Alors, je sais plus exactement 2006. La date. Ouais, 2006, c'est ça. Donc, 2006, là, on est quoi? Oui, on n'a pas la nostalgie 2007, qu'on avait avec les Toy Story. Ouais. Ça fait 10 ans, grand max. En même temps, on avait tous les deux 11 ans quand il est sorti. Ah oui, c'est ça. Enfin, je trouve que là, moi, j'ai pas assez grandi pour que ça me touche, quoi. Je suis pas assez nostalgique de Cars, même si j'aime beaucoup le premier film, pour que ça me touche. Et puis finalement, ce n'est pas une vraie fin, puisqu'on va avoir un héritage, un truc comme ça. Je suis un peu embêté. Après, en termes visuels, là, je suis pas du tout d'accord avec Morgan. C'est vraiment photoréaliste pour le coup. Mais en même temps, je suis pas non plus d'accord avec Eddie, parce que ça reste de l'animation sur beaucoup de plans. En fait, à partir du moment où on n'est plus dans la course, on n'est plus dans les. Mais je veux dire. L'animation revient. Et il y a vraiment des idées visuelles. Ce que je disais par rapport à ça, c'est que la réflexion que j'ai entendue moi, et je la trouve assez juste, c'est que du coup, c'est que c'est tellement beau, tellement réaliste que on se demande en fait, enfin, on n'a plus forcément l'impression de regarder un film d'animation. Voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt parce que moi, Arlo, je sais que sur certaines images, j'enlève les personnages. J'ai pas forcément l'impression de voir un film d'animation, de voir un truc, oui, fait par ordinateur, parce que ça se sent quand même. Mais c'est que du coup, c'est tellement bien fait que tu te dis, s'il progresse encore, c'est vrai qu'on aura vraiment l'impression de voir des personnages un peu plus cartoon dans des décors naturels, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est pas gênant, en fait. C'est-à-dire que c'est dans l'avancée technologique de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et tant que ça reste de l'animation, c'est plutôt une prouesse de faire ça, en fait. Bien sûr, ça reste une prouesse, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que du coup, c'est peut-être au détriment quand même de l'animation derrière, quoi. Si c'est trop réaliste, si ça perd le côté... Je pense que le travail d'animateur, etc., reste quand même important. Parce qu'ils arrivent à faire ça. Et c'est impressionnant, parce que du coup, ils partent pas de trucs vrais. Ils partent d'une base réelle, ils s'inspirent, bien sûr. Par exemple, de se dire, pourquoi ils se font chier à faire à animer ça, alors qu'ils peuvent aussi bien faire avec des vraies voitures, avec des, avec des vrais non, décors. Non, pas les personnages, c'est vraiment les décors. Mais tu vois, je me dis, par exemple, dans Le Voyage d'Arlo, ils filment des plaines avec des montagnes et tout. Et c'est tellement, tellement beau, tellement bien fait. Et c'est des plans larges, donc c'est beaucoup de détails qu'on voit au loin. Tu te dis, ça se trouve, des fois, ils auraient filmé un vrai truc, ça aurait peut-être été le rendu, aurait peut-être été quasiment pareil, quoi. Ouais, ok. C'est plus de ce côté-là. Après, bien sûr, la démarche derrière, évidemment, c'est impressionnant, quoi. Enfin, et c'est pour ça que ça m'a marqué. Je me dis, c'est tellement bien fait, tellement beau, que voilà. Après, c'est juste un avis. Tous les films partent comme ça, ça va être... Voilà, tout ça pour dire que c'est un petit film. C'est pas un Pixar majeur, je trouve ça meilleur que Vice Versa, des trucs comme ça. Moi je vais pas supporter Vice Versa. Ça c'est ma limite, ça. Je trouvais ça très très caricatural. Je trouvais ça, j'avais aucune émotion. Non, non. Enfin, je sais pas. Je trouvais ça très moche. Je trouvais ça vraiment très moche. Donc, non, pour le coup, mais voilà, donc c'est un peu mon avis. Du coup, ma Pixar en ce moment, c'est vrai que j'en ai essayé. Là, pour le coup, Vice Versa, je trouvais que c'était quand même la maturité. Ouais, parce que pas, ça, pas, c'était moi, surtout on m'a une très ambitieux. Déjà, quand on m'avait déjà raconté dans Toy Story 3, au moins bien, je trouve. Mais le côté. Mais voilà, pour moi, alors, dans Toy Story 3, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé de dépression. Hein. On parle de nostalgie, effectivement, mais la nostalgie, c'est pas la dépression, attention. C'est deux oui, trucs mais non, différents. On parle pas. Ouais. Et là, on parle vraiment de la dépression, surtout chez l'enfant. Oui, non, mais le motif parce est que intéressant. On pense tous que la dépression, ça touche que les adultes, alors que Vice Versa était quand même un des rares films, film en tant que film, quoi, tu vois, que la dépression pouvait toucher aussi un enfant, même s'il y en a qui disent, oui, c'est qu'un déménagement, mais un déménagement, ça peut chambouler bien des vies. Mais ça montre vraiment que les enfants ont des émotions. On peut faire le débat sur Vice Versa, mais non, parce que t'as tort. Parce que moi, en ce moment, Pixar, voilà, j'en ai un petit peu marre. Que Cars 3, c'était plutôt une bonne surprise, mais que j'en attends pas plus. Et que voilà, on verra pour les Indestructibles 2 ce qu'il en sera. Coco, mais c'est vrai Coco, pour l'instant, Coco, je suis... Coco, non, Coco, Coco, Coco, Coco, ouais. Coco, j'ai aucune attente, j'en avais déjà parlé dans une émission. Coco, il va nous éclater. C'est partout, je m'arrête sur Cars 3, ouais, voilà. Pas de soucis. Moi, je dis rien parce qu'on n'a pas le temps de débattre, mais pourtant, j'aurais des choses à dire. Donc, rapidement, La Planète des Singes, Suprématie. Morgane et moi, on l'a vu. Donc, c'était très bien. On passe à autre chose. Alors, je joue à l'heure qui tourne. Ouais, et moi, ouais, mais je peux aller vite, moi. Moi, je peux aller très vite là. Et après, avec cette enchaîne, La Planète des Singes, pour moi, c'est une magnifique conclusion qui a ses problèmes de rythme. C'est quand même assez long, mais je trouve que voilà, techniquement, c'est bluffant. Qu'on file un Oscar à Andy Serkis par pitié, et j'aime voilà la façon cohérente dont se termine la saga. Je le préfère au précédent, en tout cas. Mais mon chouchou reste le premier. En tout cas, celui-là est juste magnifique. Ouais. Mais c'est un peu long quand même. C'est un peu long, c'est vrai. Et je crois que tu m'en avais parlé, mais c'est des films en fait qu'on regarde et après on les oublie. C'est un petit peu. Exactement. Quoi. C'est vraiment, c'est une très belle façon de clôturer cette nouvelle trilogie, si elle reste une trilogie, parce que c'est pas sûr encore. Mais normalement, c'est vrai. Enfin, je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen de nous continuer cette franchise. Mais en tout cas, c'est une très belle manière, même si c'est un film que j'ai un peu trop vite oublié à mon goût. Il reste d'une grande qualité quand même. On va parler rapidement des visuels qui sont juste dingos. Moi, j'ai dit à Eddie juste avant de commencer que je trouvais que les chevaux, par exemple, ils paraissaient plus faux que les singes qui sont en CGI, quoi. Et c'est juste dingue d'arriver à un tel niveau technique. Et là vraiment photoréaliste, enfin là c'est y a pas à triturer, c'est vraiment un exploit technique assez incroyable. Matt Reeves au niveau de la réalisation toujours très bon. Moi j'ai pas eu de soucis avec le deuxième. Là je le trouve dans la continuité. Le deuxième moi je l'ai revu, alors j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a certains décors du coup je trouve qu'ils font très on sent vraiment le studio. Ouais. Ouais. Là, ça va, franchement, ça se passe surtout en extérieur. Et le repère des humains, surtout dans l'affrontement, je trouve qu'on ça sent vraiment le studio. Après, bon, je veux dire, le film en lui-même, le postulat du film reste le même, c'est pas le souci, mais c'est vrai que du coup, ça m'a un peu. Je l'ai vraiment remarqué là sur le Blu-ray. Parce que le Blu-ray est aussi de très bonne qualité, je pense. Et puis ça fait quand même 2014, hein, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, 2014-2017, on a quand même. Oh, c'était déjà pas moche. Oui, non, mais bien sûr, hein, c'était déjà très impressionnant, mais ça fait quand même bientôt 3 ans. Donc voilà. Les acteurs sont toujours au top, Andy Serkis, hein, franchement je comprends pas pourquoi. Là franchement il mériterait vraiment il faut des récompenses pour ça. Au moins une nomination, une nomination aux Oscars, parce qu'il est touchant, il est vraiment impressionnant dans son rôle. Woody Harrelson qui fait qui a une inspiration clairement Apocalypse Now pour son colonel, qui vraiment fait penser à Marlon Brando, parce qu'il vraiment il y a toutes les scènes avec la tête rasée, etc. Enfin voilà, ça fait, il y a vraiment une inspiration Apocalypse Now, mais qui est pas dégueu, hein, qui il le joue très bien son rôle de salaud, mais en même temps on peut comprendre ses motivations. Ouais, au niveau du scénario c'est assez bien écrit. L'histoire avec la petite comment elle s'appelle, je sais plus, Amia Miller, donc ça c'est le nom de l'actrice, parce que je peux pas donner le nom de son nom, parce que sinon ça va dans le film, parce que sinon ça va spoiler, voilà. Donc voilà, l'histoire avec la petite est très touchante et moi j'ai pleuré avec beaucoup de scènes avec elle parce que c'est vraiment le gros point fort du film pour moi. Ça fait vraiment chier de pas l'avoir vu. Mais je suis sûr que ça va vraiment te plaire. C'est le gros point fort du film et c'est le climax émotionnel, c'est avec elle. Pour moi en tout cas, je trouve que toute la relation avec les singes humains, etc., qui en fait s'est développée de différentes manières. Il y a différentes interactions entre singes et humains, avec la petite et avec les adultes, etc. Enfin, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'allusions au premier film avec Charlton Heston. Je peux pas en dire plus, mais il y a énormément de clins d'œil. Pour ceux qui ont vu le film, le premier film, vous en rendrez compte très rapidement. Et voilà, pour moi, c'est une très belle chef-d'œuvre. Le premier, c'est pour moi, il dépasse tous les autres. Mais voilà, dans cette trilogie, si je dois en dire mon préféré, ce serait quand même le premier parce que c'est celui qui m'a le plus touché et qui m'a le plus surpris aussi. Mais je les aime. Les deux autres suivants, je les aime aussi beaucoup. Et pour moi, c'est une très belle façon de clôturer la trilogie. Voilà. On va passer à Que Dios nos perdone. Pardon. Que Dios nos perdone. Voilà. Parce qu'on parle un peu d'un film espagnol. Voilà, c'est ça. Si, oui, bien. Donc. Hola, qué tal. Donc. Faritas maintenant. Donc, Maria. Alors, c'est pas du tout espagnol, mais c'est mexicain. Oui. Ouais. Alors, c'est pareil, il parle espagnol. Paella. Donc, le meilleur polar de cet été est espagnol. Il aurait pu être américain, pardon, avec Wind River, mais je préfère quand même Que Dios nos perdone. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce que j'aime dans un polar. Je trouve que tout est maîtrisé dans ce film, que ce soit son ambiance, c'est-à-dire que c'est quand même très très glauque, très malsain, très dérangeant. Ouais. Il y a quand même une scène, je crois qu'Axel, on va penser à la même, qui est d'un niveau de trauma, mais ouais, vraiment... Il y en a plusieurs, hein, mais... Il y en a une qui se démarque. Waouh. Il y a une critique sociale qui était aussi attendue qu'espérée, parce que moi j'aime dans un... Pour moi, un polar doit aussi traduire un état actuel, que ce soit social ou politique, dans une ville, d'un pays. Et je trouve que ce film-là, en tout cas, pose des bonnes questions, tente d'apporter quelques réponses qui sont très pertinentes sur la question. Les acteurs sont excellents. Alors, j'ai pas les noms en tête, ils sont tous espagnols, je les connais pas. Antonio de la Torre, Roberto Alamo pour les deux principaux inspecteurs. Ils sont vraiment excellents. Et d'ailleurs, je trouve que au niveau du sort des personnages, au niveau de ce qui va arriver, je trouve que le film arrive à surprendre, parce que c'est quand même dur quand même de surprendre dans un polar. C'est peut-être le reproche de Wind River que j'ai adoré, mais qui m'a pas surpris dans son scénario, mais pour d'autres qualités dont je vais parler plus tard. Que là, Que Dios nos perdone, je trouve qu'il est, il arrive à surprendre, comme on le considère un peu comme un Seven coréen, n'importe quoi, espagnol. Et je trouve qu'il a quand même des influences Fincher très prononcées. Ouais. Et en soi, c'est pas du tout. C'est pas survendu. Au contraire, je trouve que c'est un grand polar. En tout cas, c'est un bol d'air frais cet été qui. Manquait de polar cette année et là, on en a un et un très très très bon. Ouais, voilà. Pour moi, on manquait de polar depuis plusieurs années de ce niveau-là, hein, clairement. Pour moi, c'est la surprise de l'été. C'était un conseil de Morgane et franchement, merci encore. L'année dernière, c'était L'économie du couple, maintenant c'est celle-là. Donc voilà, c'est toujours un très bon conseil. Il n'y a pas Maître Gims hein, dans Que Dios nos perdone. Non. Pour moi, c'est un thriller extrêmement bien ficelé. Avec, tu as dit des influences Fincher. Moi, j'ai trouvé énormément d'influences nord-coréennes. Nord-coréenne. Pensé à Memories of Murder, voilà. Moi. Sud-coréenne, hein, pas nord-coréenne, pardon. Des influences nord-coréennes. Pareil. Moi, je faisais pas celle-là. Voilà. Surtout The Chaser ou Memories of Murder. C'est vraiment. Ouais, surtout dans le duo de flics est très. Et surtout, pour moi, c'est très visible à la toute fin, dans la rencontre dans la camionnette. Voilà, pour ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. C'est extrêmement visible, c'est genre le climax des films coréens, c'est le même genre de climax. Donc le suspense est très bien tenu pendant 2 heures. Personnellement, moi j'adore les films mystères, etc., les films polars où il y a une enquête. Voilà, comme j'ai dit, je me disais que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film qui me tenait en haleine comme ça pendant 2 heures. Les personnages sont extrêmement intéressants, très bien écrits. et on les voit tomber. Enfin, voilà, on voit les travers même des héros et vraiment bien exploité, je trouve. Et enfin voilà, la scène par exemple avec l'inspecteur qui est bègue et la femme de ménage de son appartement, enfin pas de son appartement, de son immeuble. Qui m'a choqué vraiment et pourtant il y a pas vraiment de truc extrêmement graphique, mais c'est très la tension est très bien tenue, voilà. Les acteurs sont exceptionnels, on l'a déjà dit. La réal se permet des plans d'une ingéniosité assez folle, et il y a vraiment un effort de mise en scène qui est mis dans ce film qui se sent à l'écran. Les gens qui ont bossé dessus, ils étaient passionnés par le film qu'ils étaient en train de faire, et ça se voit. Il y a des petites idées de mise en scène qui ne sont pas grandiloquentes, mais quand on y prête attention, font juste le bonheur des yeux. Par exemple, je prends un tout petit exemple, comme on est à Madrid, il y a énormément de soleil. Par exemple, quand les personnages sortent d'un bâtiment, il y a un effet de lumière, comme ça, comme quand le temps que l'œil humain s'habitue au soleil en sortant d'un bâtiment où il faisait sombre, etc. Voilà, il y a des petites idées de mise en scène comme ça qui peuvent paraître peut-être un peu superflues, mais qui dans le film fonctionnent à merveille. Je prends aussi un exemple le plan séquence d'une chute d'un balcon, j'en dirai pas plus, qui a coupé le souffle. Vraiment, la caméra à l'épaule qui est extrêmement bien utilisée, et on n'a pas le sentiment Gerbotron 2000 avec la caméra 2000 dans les scènes d'action, avec la caméra à l'épaule dans les scènes d'action, et ça permet d'insuffler plus de réalisme dans l'histoire, qui est fortement appréciée. Et pour finir, la musique, bien que pas hyper marquante, fait très bien son travail et souligne très bien les scènes et l'ambiance de celle-ci. Voilà, c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, s'il y a un film que vous n'avez pas vu durant cet été, pour moi c'est celui-là à voir en priorité. Même devant, enfin, bon, j'adore Baby Driver, mais celui-là vraiment, il m'a vraiment surpris. Donc allez voir Que Dios nos pardonne, vous ne le regretterez pas. Voilà. Passons à Annabelle 2, je vais laisser la parole à Adrien. Oh bah oui, bah écoute, ça s'est bien passé, ça c'était marrant parce que moi je suis très fan du, je sais pas si on peut dire le Wanverse, en tout cas l'univers de James Wan, donc qui a commencé avec, même si moi je suis convaincu qu'Insidious va un jour arriver dans les cartons, mais pour l'instant qui a commencé avec The Conjuring et donc Annabelle. Et voilà, Annabelle c'était un petit peu le canard boiteux de la série, c'est-à-dire que c'était pas très réussi, ça faisait un peu peur parfois, mais vraiment très légèrement. Et il n'y avait pas d'idée formidable de mise en scène. Et donc voilà, j'allais voir Annabelle 2, réalisé par Sandberg, donc qui avait fait un super court-métrage qui s'appelait Dans le Noir, vraiment effrayant, qui avait été adapté en long-métrage d'ailleurs par lui-même, mais que qui n'était pas terrible. C'était mauvais. Le court-métrage était bon, C'est pas fameux. Mais le court-métrage est vraiment génial. C'était exceptionnel, le court-métrage. Et donc là, voilà, j'ai été voir Annabelle 2, voilà, sans plus d'attente, juste parce qu'il fallait le voir, quoi. Donc j'y ai été, puis j'ai bien aimé. C'est un film qui fait souvent peur, quand même. C'est-à-dire que t'as deux, trois jumpscares inutiles, c'est un peu de la paresse, mais t'as quelques scènes quand même assez effrayantes. Je pense notamment à certaines scènes avec des clochettes. Et ce genre de choses qui font des choses... c'est très réussi. C'est loin du niveau de terreur de The Conjuring ou de La Dame en Noir, pour citer un autre film d'horreur assez connu récemment. Mais ça fait quand même assez peur. C'est très bien écrit. Ça, c'est ce qui m'a bluffé. C'est-à-dire que c'est un film qui est parfaitement lié au reste de l'univers. Parce que parfois, bon, t'as juste des petites références, machin. Du genre, là, tu vois la nonne, là, tu vois machin. Mais juste une... c'est bon. Okay. J'avais demandé si ça se passe avant ou après le premier Annabelle. Mais non, c'est les origines. C'est les origines, ça se passe avant. Et à ce niveau-là, justement, c'est super parce que tu permets de rebondir dessus. C'est très bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a les origines d'Annabelle très tôt. C'est-à-dire qu'on a vraiment sa création. Et puis, à la fin du film, que je vais pas raconter, c'est parfaitement lié au reste. C'est-à-dire que c'est limite plan par plan repris du premier film. Et c'est parfait. Je veux dire, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment très intelligemment écrit. Moi, dans le premier film, le seul truc qui m'avait effrayé, c'était la scène de l'ascenseur. Une excellente scène du film, et c'était à peu près la seule bonne scène aussi. Mais la seule scène très réussie, en tout cas. Et donc là, en l'occurrence, on a quand même plusieurs scènes de cet acabit. Il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en scène. Je pense notamment à certains jeux sur les ombres, certains jeux sur les lumières, qui viennent clairement de James Wan. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de choses à dire, mais qui sont très bien réutilisées par Sandberg, parce qu'on peut aussi le faire mal, et lui fait plutôt bien, c'est plutôt bien incrusté. C'est très bien écrit, les personnages sont tous très bien incarnés. Ça m'a un peu évoqué La Dame en Noir 2, qui n'était pas réussi en termes d'horreur, mais qui était très réussi en termes de dramaturgie. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui est très bien écrit à ce niveau-là aussi. C'est très bien joué, ça, vraiment, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est très trash, Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut prévenir parce que c'est seulement interdit aux moins de 12 ans et je trouve ça surprenant. Parce que y a vraiment de la violence graphique, limite en face caméra, il y a des corps arrachés, il y a des enfants un peu torturés et tout ça. Enfin, c'est un film Ouais. qui est très difficile. Ouais, c'est très sympa, moi j'aime bien ça. Ouais, mais je veux dire, tu sais, on peut toujours s'attendre à dans ce genre de production Blumhouse, que ce soit un petit peu de l'horreur moins de 12 ans, donc assez soft et juste à base de jumpscare. Là, on a vraiment certaines séquences très dérangeantes, notamment d'un point de vue graphique. Mais donc voilà, c'est plutôt une très bonne surprise, vraiment, quand j'y étais le voir, vraiment. Moi, j'avais pas été au cinéma il y a un bout de temps, parce que, voilà, à cause des vacances, j'avais pas tellement pu. Ouais. Et donc, c'est le premier film que j'ai été revoir vraiment au cinéma récemment, et bah, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. C'est-à-dire que vraiment, j'ai passé un super moment, c'est très divertissant, c'est très bien écrit, enfin, j'ai vraiment pas vu de gros défauts. C'est vrai que c'est agréable les surprises comme ça. Quand un Voilà, c'est premier ça, film est vraiment vraiment. pas réussi et que du coup Voilà. la suite surpasse, c'est bien. Bah, attendez à ce que ce soit moyen Ça et un peu rectifie le sympa, mais tir, quoi. voilà. Et en fait, c'était vraiment très bon. C'est pas du niveau de James Wan, mais on s'en rapproche. Au niveau de dramaturgie, de dramaturgie, pardon, je dirais même que c'est supérieur. D'accord. Mmh, Morgane? Je suis totalement d'accord avec Adrien. Pour moi, le film a été une grosse surprise. Le premier, clairement, c'est tout ce que le cinéma d'horreur peut nous offrir de pire. Oh, Et là, honnêtement. on a vu Ouija la même année, c'était quand même. Oh bah, j'ai préféré largement Ah Ouija que Annabelle. Hein. Au moins. Et non, Ouija c'était en 2015. Annabelle c'était en Ah, 2014. autant pour moi. Eh ouais. Et je vais même dire un truc. J'ai préféré Annabelle 2 à Conjuring 2 parce que je n'aime pas trop Ah. Conjuring 2. On Parce que aura je ce trouve que débat un James jour, Wan, c'est la débat. mécanique de James Wan commence à me. À m... Je vois un peu ses limites, c'est dommage. Je disais que c'était le maître, mais finalement, Conjuring 2, je me dis, c'est du confort. Et On Annabelle aura ce 2, débat un jour. on l'aura. Mais pas Et maintenant. Annabelle 2, non, non, non. Annabelle 2, Pitié. voilà, techniquement, dans sa façon d'amener l'angoisse et de jouer avec les silences, de. Tout ce qui fait justement le sel d'un film d'horreur, je trouve qu'il y arrive parfaitement. Alors qu'on pouvait, finalement, c'est, on va dire, un film, on va dire, de faiseur quand même, hein, faut être Oui, honnête. voilà, Mais il y a quand c'est un même bon. derrière une petite patte, enfin, il y a une petite touche, il y a quelque chose qui fait que bah, C'est la ça m'a différence. vrai. C'est quand même du Voilà, ça fait cinéma, la moi différence. c'est aussi ça que j'avais vu Voilà, ouais, justement il y a le vraiment film. des vrais. Ouais. Ce jeu sur les ombres et tout, comment. C'est-à-dire que c'est un meilleur film qui utilise le noir que dans le noir. Vous voyez? C'est-à-dire que Ça, j'ai pas vu. les... Ouais, non, mais franchement, même au niveau des personnages, ça m'a passionné d'ailleurs. Je trouve que les personnages existent tous et toutes. Il y a des vrais enjeux et il y a une ambiance, quoi. Merde, c'est ça qui me manquait dans Annabelle. Et surtout, Annabelle est un vrai personnage charismatique, alors que dans le premier, c'était plutôt une figurante, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors que là, elle est menaçante. Il y a une scène dans la chambre où il est juste question d'Annabelle qui a la tête qui est tournée en un plan, elle a la tête qui bouge. Et ben, bah, je vous assure, il n'y a même pas de jumpscare ni rien, mais je vous assure que visuellement, le film, il est flippant. Et je pense que je tiens mon film de genre de l'année. Ce soir, on est le 15, je vois ça, le film ça. Je le crains un petit peu, mais j'en parlerai plus tard dans un autre podcast. Ouais. Parce que je pense qu'en termes d'angoisse, je vais pas être aussi angoissé, être Non, aussi mal à apparemment, l'aise c'est. Que devant. Le film Je du sais pas siècle si. d'après Xavier Dolan. Hein. Ouais. Ouais, mais Bon, alors lui, il il a nous dit qu'il a. Ouais. déconnait après. Il a dit qu'il déconnait. Ah, ouf, heureusement. Ouais. Non, c'est Mais quand populaire. même, enfin, je sais pas si tu vois, Morgan, mais la séquence de la clochette là, avec la mère quand elle sort de la Oh! chambre, c'est Mon Dieu! épouvantable, quoi. C'est une Quand peur elles sont incroyable sous la de. couette, là. Quand elles sont sous la couverture. Oui, c'est ça. Ça, c'est une scène Oh là là là incroyable. là! C'est une scène incroyable. Moi, c'est Ah vraiment la ouais, meilleure scène du ouais. film pour le coup. Ah ouais. Alors, juste une question pour moi qui est un peu. Qui n'y connaît pas trop. J'ai vu juste Conjuring. Est-ce qu'on peut voir Annabelle, les origines, sans avoir vu le premier Annabelle? Alors, on peut. Oui. Oui, on peut. Tu vas On louper peut, des bah trucs. oui, Tu vas mais. louper des trucs et tu vas louper des références à Conjuring 2 si tu l'as pas vu D'accord. aussi. Il y a une Ouais, très j'ai bonne pas vu référence à un Conjuring 2 moment. non plus. Ah Mais, oui, et oui. justement, Bon. tu vas louper des En références. parlant de. Ouais. Mais en soi, tu peux le voir, sans problème. C'est les D'accord. origines, donc c'est un peu fait pour ça aussi, je pense. Ok. Et justement, en parlant de références, je trouve qu'il s'imbrique carrément mieux dans le Conjuring Universe, qui du coup commence à m'intriguer quand même, à me dire, tiens, où est-ce que ça va aller? Du coup, j'attends le film sur la nonne là, parce qu'il y a un clin d'œil, enfin une À référence la nonne, qui est c'est subtile. superbe, hein? Ouais. Elle est subtile, c'est-à-dire qu'on comprend, les gens dans la salle ont compris, ça dure 2 secondes, on comprend tout, on se dit ok, on est dans le même univers. Mais Et ça pour suffit. moi, et franchement, que ce soit Warner, Marvel ou tout ça, ils devraient s'inspirer de ce que fait James Wan. Enfin, Warner, c'est James Wan aussi, Ouais. mais parce que c'est niveau subtilité en termes de mise en place d'univers. Et ça, je le disais déjà Ouais. dans Annabelle 1, c'est marrant. c'est 10 000 fois plus réussi que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est d'une subtilité, et en même temps, ça fonctionne tellement bien, ça s'imbrique tellement bien, notamment à la fin du film, que moi, j'ai envie d'applaudir, très sincèrement. Quoi. Okay. Par contre, sur Annabelle, là où je vais défendre le tout premier vite fait, je trouve qu'on a tapé sur le film avant qu'il sorte, mais on n'a pas tapé sur le film, on a tapé sur les gens qui allaient le voir, et parce qu'il y a eu un bordel pas possible. Et du coup, c'est pas parce que le public est con que le film est con. Moi, je vais les voir le matin. Pourquoi... Enfin, ce qui est étrange, c'est que dimanche matin, c'est parfait. Hein. Ouais. moi, j'y suis allé un samedi soir et un mercredi soir. Honnêtement, c'était tranquille. Et la salle était remplie, mais on est très civilisés. Ouais, t'habites pas à Paris. Non, j'habite dans une vraie ville. J'habite chez les gens modestes et ouais. J'habite pas chez les bobos, moi. Nous sommes des provinciaux. Bon. Mon cher bref, voilà. Mais Annabelle 2, c'est excellent. Franchement, faut y aller. Regardez-le, même si vous aimez pas le premier, vous pouvez avoir les pires a priori du monde. Vous pouvez trouver que le premier c'est la pire merde de tous les temps. Je peux vous assurer que le deuxième il est épatant. Ouais, c'est vraiment très réussi. Ok, donc maintenant Morgan, tu vas nous parler des proies. Et on va dire qu'on va faire un enchaînement. Tu vas faire parler des proies, oui. Seven Sisters et Wind River. Voilà, donc vas-y, je t'en prie. Voilà, donc on va commencer par le moins bon, à savoir les proies. En plus, ça va crescendo, c'est vrai. Le nouveau Sofia Coppola que je n'attendais pas du tout, parce que Sofia Coppola, je suis hermétique à son cinéma, à part Virgin Suicide, qui est celui que je tolère le plus. Mais alors, Lost in Translation, The Bling Ring, c'est pas du tout pour moi. Les proies est peut-être celui que je. C'est mon Sofia Coppola que je préfère parce que derrière. T'as vu Virgin Suicide? Oui, je préfère même un Virgin Suicide parce que Virgin Suicide, il y avait quand même des trucs qui m'emmerdaient un peu. Que là, dans Les Proies, déjà le film est court, c'est assez pratique. Mais il y a quand même un charme au niveau de l'esthétique, au niveau de la lumière. Voilà, il y a un jeu de lumière qui n'est pas sans rappeler Barry Lyndon de temps en temps. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu vraiment des scènes éclairées à la bougie et qu'il n'y avait pas de. Et Durandal, je sais, Durandal l'avait dit dans sa vidéo et je vais être d'accord avec lui. Je pense qu'il y a des scènes qui ont vraiment été tournées en lumière naturelle parce que il y a un jeu de lumière qui est beau. Les décors sont magnifiques, les actrices sont sublimes. Franchement, Nicole Kidman, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue comme ça. Et comment elle s'appelle, Kirsten Dunst aussi, qui voilà, elle est magnifique. À préciser que c'est un remake du film de Don Siegel que je n'ai pas vu. Par contre, Colin Farrell, je ne peux pas, enfin je ne crois absolument pas qu'on puisse se dandiner devant lui parce que je trouve que c'est l'opposé total du charisme et du sex appeal pour moi. Clairement, oui, je ne comprends pas ce qu'on lui trouve. C'est subjectif. Non mais même dans le film, je trouve qu'il a pas, son personnage n'est pas charismatique. Pour moi, c'est une erreur de casting. Il y a toujours des tics dans la réal de Sofia Coppola qui m'énervent. Toujours ces longs moments où elle filme rien. La scène d'intro, c'est une fille qui se promène et puis qui murmure. Je me suis dit, non, on est encore chez Coppola. Elle aime toujours filmer des gens qui s'ennuient et moi, du coup, elle m'ennuie avec eux. Mais le film m'a quand même intéressé. Ça m'a tenu un peu. C'est-à-dire, je me suis pas totalement ennuyé parce que. Il y a une grâce derrière tout ça, que j'avais jamais vu dans son cinéma, ou que j'avais jamais ressenti. Hein. Et du coup, le film m'a quand même un petit peu intéressé, gentiment. Ça m'a pas laissé des grands souvenirs. Je l'ai noté 3 sur 5 sur Vodcaster et 6 sur 10 sur Sens Critique parce que je suis revenu. Oui. Donc voilà, c'est un film plaisant, mais je m'en souviens. Voilà, j'ai sitôt vu, sitôt oublié. Okay. Ensuite, Seven Sisters, qui a été pas une grosse surprise, mais qui était un solide divertissement. Vous ne devinerez jamais la fin. Oui, bon, ça, je vais y revenir. Je m'étais laissé avoir justement par ces affiches, par le postulat, et parce que je Noumira Pass, je l'adore, et là, cette Noumira Pass dans un film, ah, c'est trop bien. Je trouve que le postulat tient, le concept tient tout le film. C'est solide. C'est un mélange de SF, d'action, de drame aussi. Voilà, il y a des raccourcis scénaristiques qui sont un tout petit peu dérangeants, mais qui, grâce au rythme du film, franchement, j'ai tout pardonné, clairement. Parce que j'ai trouvé que ça marchait, j'ai trouvé que tous les personnages qu'elle incarnait, en soi, c'est aussi une prouesse technique parce que des fois, ils sont tous dans le même champ. Et c'est de voir, j'essaie de voir un peu la faille et j'en ai pas vu. Ouais. Ils sont tous identifiables, donc une fille égale un jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, enfin voilà. Et je trouve qu'ils sont tous identifiables. On sait qui est qui, on sait ce qui les caractérise, ce qui les distingue. Et partant de là, ça donne un thriller que je trouve palpitant, pas dégueulasse visuellement, malgré Glenn Close, parce qu'elle est très dégueulasse visuellement dans le film. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont brimé en espèce d'Hillary Clinton. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, c'est un mix entre Roselyne Bachelot et Hillary Clinton, je vous jure, c'est dégueulasse. Et mais voilà, le postulat tient pendant 1h50. Ouais. En soi, la fin qu'on n'est pas censé deviner, je l'ai pas deviné, mais elle est pas folle non plus. Okay, ouais. Donc faut pas s'attendre à du gros twist de malade. Mais un bon divertissement qui termine bien l'été et ça fait plaisir. Voilà. Sachant que c'est un film qui a été distribué aux États-Unis par Netflix. Sur Netflix, voilà. Donc, c'est sympa, honnêtement, ça se regarde bien. Si vous vous emmerdez un dimanche après-midi ou un samedi soir, vous avez ça sous la main. Il est sur Netflix. Ça passe bien. Non, il est sur Netflix. Non, sur Netflix US, américain. Mais ouais. Il est sorti en salle en France, en fait. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc, vas-y, continue, Wind River. Alors Wind River, donc le film de Taylor Sheridan qui était le scénariste de Sicario et le scénariste de Comancheria. Voilà. Il me semble, oui, c'est ça. Sicario que j'avais adoré à sa sortie mais que je réévalue un petit peu, il me passionne moins. Mm-hmm. Je l'ai revu une deuxième fois. Ouais, bah tu vois. Il me passionne moins. Moi je me suis ennuyé. Ouais, ça arrive, hein. Il y a beaucoup des Ouais, il y a des films comme ça où on adore et puis on les revoit, on se dit bof, finalement, je suis peut-être un petit peu emballé. Ouais. Mais ça enlève pas sa maîtrise voilà, non, en termes de mise en scène, ouais, c'est Denis Villeneuve, voilà, j'adore et j'adore Emily Blunt dans ce film. Comancheria, j'ai pas trouvé ça fou dès que je l'ai vu à sa sortie. Mm-hmm. On me l'avait un peu survendu, on m'avait Ah, c'est clair, tout le monde en parlait. Ouais, et je n'ai pas compris pourquoi elle était aux Oscars, aux Golden Globes, je sais plus quoi. Donc ça avait l'air d'être un film direct DVD. Enfin, c'est méchant de dire ça, oui. Mais c'est limite un film direct DVD, quoi. C'est pas. Oui, et puis le western moderne, enfin le polar western avec tout ce que ça implique et tout ce que je savais ce que j'allais voir et le film ne m'a rien servi d'autre. Ouais. Là, dans Wind River. C'est une enquête dans un paysage très enneigé et c'est ça qui fait toute sa beauté, j'ai envie de dire, tant sa beauté visuelle que sa beauté, parlons de beauté technique. C'est le charme en fait, comme dans The c'est un charme, Late, voilà. Par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, moi, voilà, j'adore les films dans neige. Ah bah c'est là surtout celui-là, il tranche. C'est pas spécialement violent, mais donc c'est l'histoire d'une jeune d'origine indienne qui a été retrouvée tuée et violée, en plein milieu d'une contrée enneigée. Mm-hmm. Donc Jeremy Renner joue le rôle d'un flic et il va être aidé par le FBI en personne, hein, qui est joué par Elizabeth Olsen qu'on avait vu dans Avengers sous les traits de Scarlet Witch. Voilà. Et Jeremy Renner qu'on avait vu sur Hawkeye, voilà. Exactement, voilà. Donc les Avengers ils spellent un peu les noix. Ouais, là. Est-ce que Jeremy Renner moi je le trouve pas super bon acteur personnellement. Je suis pas. Je trouve que c'est son meilleur rôle, clairement. Okay. Et Elizabeth Olsen, je l'ai découvert avec ce film-là. Okay, ouais. Je trouve que voilà, autant dans Avengers, ça reste quand même super-héros. C'est des personnages vraiment secondaires, s'épanouir. Surtout, hein. Voilà, surtout. Et là, en fait, en tant que personnage principal, elle est juste exceptionnelle. Et c'est ça, je trouve, la force du film, c'est sa force d'écriture au niveau de ses personnages. En soi, l'intrigue. On la regarde moi personnellement je la regardais sans déplaisir, je me suis pas ennuyé, j'étais très investi dedans, grâce au décor, grâce à l'ambiance, et grâce surtout aux personnages, parce que les personnages agissent en fonction de leur passé, de leur trauma, et c'est ça ce qui les caractérise. Et du coup, je trouve que l'authenticité du film réside dans les personnages. Et comme je l'avais dit pour Cars 3, les personnages, si j'accroche pas, c'est mort. Ouais. Mais quand j'accroche, c'est parti. Et là, j'ai trouvé les personnages très frais, si je puis dire, bien façonnés. Il y a un travail au niveau de leur psychologie, leur morale, leur sens moral, leur code éthique, enfin tout ce qui fait un homme, quoi, ou une femme, tout ce qui nous pousse à agir ou à ne pas agir. Et je trouve que c'est un grand film, sur la morale, sur l'humain. C'est un film très humain, qui veut pas forcément jouer la carte du polar violent. Enfin voilà, c'est on va dire, c'est le contraire de Que Dios nos perdone, ouais. Mais c'est plus soft, mais il y a un charme fou, parce que en termes d'ambiance, c'est juste magnifique. J'ai ressenti ce petit côté immersif. J'avais froid dans la salle. Ouais. Cette violence un peu froide, ce décor un peu atypique, j'ai envie de dire. Ça ressemble pas vraiment à un décor de polar classique. Mm-hmm. Donc j'ai plutôt bien aimé. Enfin, j'ai même adoré. Je sais pas si t'as vu Fargo. Mon petit coup de cœur. Oui, j'ai vu Fargo. Oui. Mais Fargo était plus rigolo, ouais, quand même. Bien sûr, ouais, que là, c'est très sérieux, très. très violent, même enfin psychologiquement, c'est une violence très psychologique qui est plus voilà plus à ressentir qu'à voir. Ouais. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est une bonne alternative justement à Kadios No Spaldonet qui était plus voilà plus visuel voilà. Mm-hmm. Là il est visuellement il est plus soft, mais il y a quand même 2-3 scènes qui sont un peu brutales forcément. Ouais. Il faut notamment quand on voit ce qui s'est passé pendant ce meurtre là. Oui. Parce que le enfin on voit pas le meurtre mais on voit ce qui a précédé le meurtre et c'est assez barbare quand même. Ouais. Mais voilà, il y a des bons personnages, bons acteurs. Le scénario, c'est pas le point fort, mais c'est pas grave. Et il y a surtout une excellente réalisation. Voilà. Nickel. Ok. Bon, ben, on va parler maintenant de 120 battements par minute. Film coécrit et réalisé par Robin Campillo, pardon, qui a eu le Grand Prix et la Cuir Palme au Festival de Cannes 2017. Mm. Qui est sorti en France le 23 août 2017. Voilà. Je vais juste rappeler le synopsis. Ça, c'est un synopsis Wikipédia, hein, comme d'habitude. Hein, c'est pas moi qui les écris. Au début des années 90, le sida se propage depuis près de 10 ans. Les militants d'ACT UP Paris s'activent pour lutter contre l'indifférence générale. Parmi eux, Nathan est nouveau dans un groupe et va être bouleversé par la radicalité de Sean. Voilà. Je vais peut-être te laisser parler sur ce que tu as pensé du film. Oui, sur ce que j'ai pensé, voilà, un très grand film qui n'a pas démérité sa réputation parce que depuis Cannes, on en entendait parler beaucoup, ouais. beaucoup. C'était la favorite pour la Palme d'Or. Je ne comprends pas, enfin, j'ai pas vu encore la Palme d'Or, mais on aurait donné la Palme d'Or à ce film que j'aurais compris d'ailleurs. Almodovar voulait la Palme d'Or pour ce film-là, mais le jury a tranché. Ce que j'aime dans un film aussi, c'est les dialogues. Ouais. Et là, c'est la force. Je trouve que c'est la force des dialogues, ouais. C'est de me passionner pour un sujet politique, de le vulgariser un petit peu sans trop le rendre un peu simpliste et trop scolaire, on va dire. Là, effectivement, le combat du mouvement ACTA, là, ACTA, c'est autre chose. ACTA. Je savais bien que j'avais dit une connerie. ACTA, je connaissais pas tant que ça. J'avais vu quelques infos par-ci par-là, mais ce film me fait comprendre l'importance de ce combat-là qui continue encore parce que le SIDA c'est une maladie qui est toujours d'actualité. Ouais. Et ce que j'ai aimé dans ce film-là, ce qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est que j'avais peur qu'on défende le film, même s'il y en a qui c'est un peu pour ça, qu'on défende le film juste par rapport à son sujet pour des raisons cinématographiques. Mm-hmm. Voilà, on en a vu plein des films comme ça. Il y a un téléfilm qui était. En plus, on parle d'homosexualité, mais le film parle pas que de ça. Mais je fais un parallèle, il y a un téléfilm qui était diffusé sur France 2 avec Patrick Kimsey qui s'appelait Baiser caché, l'histoire d'une relation homosexuelle entre deux ados. Alors, ok, c'est noble, ça parle de l'homophobie, tout ça, mais le film était un étron absolu. Ouais. C'était mal joué, mal réalisé, c'était horrible. Ah, oui. Et les gens sur Twitter étaient là, oui, c'est important, oui, mais un sujet important ne fait pas un bon film. Ça, ouais. Et là, je trouve que c'est un carton plein total. Et en plus, des révélations, notamment en termes d'acteurs, parce que les acteurs sont. C'est la plupart, ils sont inconnus, hein. La plupart à part Adèle Haenel, et en plus Adèle Haenel, dont j'ai un peu de mal de base parce que je la trouve un peu froide, trouvée lumineuse. Elle est lumineuse, elle est drôle, et tous les personnages sont comme ça. Et l'acteur qui joue Sean, qui s'appelle Nahuel Pérez Biscayart, pardon. Voilà, Nahuel, quand on le voit en interview et quand on le voit dans le film, on se rend compte à quel point sa performance est incroyable parce que son personnage est un petit peu. Pourrait-on dire un peu cliché, c'est un peu l'homosexuel un peu folle qui assume tout, un peu non quand même pas ouais, quand même pas mais pas folle non parce que justement moi je trouve qu'il s'écarte de ce genre de cliché folle etc. C'est justement pas la cage aux folles ou des choses comme ça, tu vois, c'est bien de rester loin de ces clichés justement. Bah, disons que c'est ça qui m'a plu dans le film, c'est surtout que quand on le voit dans une interview, enfin, j'ai regardé les interviews parce que je me suis dit, mais attends, je ne connais pas cet acteur-là, il faut que je vois absolument qui il est. Mm-hmm. Et quand on voit dans le film, effectivement, c'est un homo très maniéré, je me dis, bon, c'est un peu l'archétype. Mais finalement, quand on le voit en interview, on se rend compte à quel point c'est une performance. Et la façon dont Robin Campillo met en scène ces personnages qui sont remplis de convictions et on vit ce combat avec eux. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus de ça, là où le film est très malin, c'est qu'on parle du sida, oui d'accord, mais le sida, pour beaucoup, sida égale homosexuel. Justement. Et il y a une scène dans le film qui est très intelligente, qui est très bien amenée. C'est une scène où ils vont justement dans un groupe scolaire, et d'ailleurs la scène est géniale. Quand ils avec la différente réaction des profs, il y a celui qui est complètement outré. Voilà, il y a le prof qui est outré, voilà. Et ça montre, c'est un miroir de ce qui se passait avant, mais de ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous pouvez être sûr que vous allez dans un lycée pour parler de sida, d'homosexualité, sur 5 profs, il y en aura 3 qui vont vous faire la gueule, enfin peut-être non, pas maintenant, mais tu en auras peut-être au moins un qui va être un peu réticent, parce qu'il y en a, c'est des réacs. Et d'ailleurs, c'est accompagné de répliques très drôles. Qui vous a autorisé à rentrer? Bah, nous-mêmes. Ouais. Et quand on voit comment ils interagissent avec les gens, avec les jeunes. Et d'ailleurs, il y a des moments dans le film où c'est très subtil, où on voit qu'il y a un des lycéens qui est un peu interloqué, on se dit même qu'il se sent concerné, mais qu'il n'ose pas le dire. Donc ça pose des questions assez sociales, parce que bah, finalement, à l'époque, bon, bah, c'est moins courant à l'époque de vivre son homosexualité c'est sûr, qu'aujourd'hui dans un lycée, je pense. Enfin, mais encore aujourd'hui. Et encore, mais bon, il y a du progrès, on va pas se mentir. Il y a du progrès, il y a dans certains coins de France, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, vous allez dans un lycée à Paris, bon, c'est peut-être plus facile d'assumer son homosexualité, je pense. Le film ne parle pas que du combat du sida vis-à-vis des gays, mais il parle aussi des femmes. Il en parle moins, c'est clair. Mais il en parle. Des prisonniers, des junkies. Des prisonniers, des junkies, ouais. Etc. Donc, il en parle moins, et même mais des en tout cas, des hétéros. Il en parle un petit peu. Exactement, mais, hétéros. Justement, parce que c'était, enfin, dans les années 90, et même aujourd'hui, non, c'est quand même plus connu, mais dans les années 90, tout le monde pensait, c'est la maladie qui touche que les homosexuels. C'est la maladie des gays. Bah oui, et d'ailleurs, quand ils vont dans le lycée, il y a la fille qui dit moi j'en ai pas besoin, j'ai pas votre maladie des gays, mais puis, d'ailleurs, la réaction est très drôle. Et je trouve que les personnages sont tellement beau, mais leur force de conviction, la façon dont ils se parlent, c'est des jeux verbales. Et en plus, ils utilisent, enfin, pas. Tu vois, ils y vont pas à demi-mots, quoi. Ils utilisent des vrais mots, quoi. Enfin, vraiment. Ils se disent des mots cachés tels qu'ils sont, même quand ils parlent des slogans, quand ils montent les affiches, une belle sodo, ça fait plaisir, etc. C'est drôle, on rigole. Ouais. Et surtout, au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour. Qui est belle, mais elle est belle, elle est vraiment belle parce que elle est teintée de scènes de sexe et on peut faire des scènes de sexe au cinéma sans que ce soit un peu. Bon, je vais être d'accord avec Durandal parce que j'ai rien contre lui. Il dit on pourrait faire des scènes de sexe pas déprimantes. C'est vrai qu'il dans le cinéma français, les scènes de sexe, ils font un peu tous la gueule. Bah là, il y a du sexe très heureux. Bon, là, il y a un contexte aussi, hein, on va pas le raconter, mais c'est vrai que. Mais je trouve il y a une que. Sensualité, c'est délicat, c'est très subtil, très fin, et du coup on ressent vraiment l'amour entre ces deux personnages là, l'amour naissant et qui voilà jusqu'à la fin. Et je trouve que la fin, c'est à la fois déchirant et rempli d'espoir. Et ce film là, là où je me suis dit ok top, c'est un film très important, c'est parce que il se sert d'un combat d'avant pour raconter un combat qui continue aujourd'hui et dont on entend moins parler. On entendra parler. Ouais. Donc c'est un film qui dit il s'est passé ça avant, mais n'oubliez pas, c'est toujours d'actualité parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais, parce qu'on pense mais clairement, que le sida, on peut mieux le contrôler, peut mieux l'appréhender. C'est toujours pas encore l'éradiquer. Voilà, c'est toujours pas éradiqué. Donc c'est un film important pour exactement. Ça. C'est pas juste un film historique. C'est à la fois un film historique et un film qui d'actualité. Ouais. Ça c'est fort. C'est un tour de force en termes de dialogue. J'ai adoré ça. C'est un grand film. Ouais. Non mais clairement. Je suis assez d'accord avec toi. Franchement, c'est vraiment. C'était aussi un conseil que tu m'as donné quand on a enregistré les derniers Parlons Cinéma. Il me semble tu venais de le voir et tu m'as dit il faut absolument aller voir 120 battements par minute, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai vu avant-hier et j'y pense encore, franchement, parce que c'est un film que je regrette pas d'avoir vu déjà et qui m'a vraiment marqué. Ce qui est bien, ce que je disais un peu avant, c'est que ça évite les clichés, mais en même temps ils y vont pas à demi-teinte. C'est ils y vont clairement dans le propos, ils utilisent les vrais mots, ils se cachent pas de ce qu'ils sont et de quoi ils parlent, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc pour moi le film a été passionnant, surtout au niveau des quand on part, en fait il essaye d'incruster ça dans la réalité, quoi. Donc on a par exemple le mardi soir les réunions, après on a les actions qui se font à l'extérieur, etc. Il y a vraiment un sens de train-train quotidien en même temps qui s'installe, mais qui est pas ennuyeux, justement. Et ça c'est vraiment assez intéressant. Il y a un très bon rythme au niveau de la pour moi le film s'essouffle un petit peu au bout, parce qu'il dure 2h20 quand même, il faut préciser. Ouais, il y a peut-être 15 minutes voilà. de trop. Ouais, pour moi, il y a une 15-20 minutes de trop où, qui aurait pu être un peu plus un peu écourté, on va dire. Parce qu'il s'essouffle au bout de 2 heures un petit peu. Et sinon, les 2 premières heures, on ne les voit pas passer. Mais vraiment, on est à fond dans le film, on rigole, on pleure parfois. Enfin voilà, on est intéressé par le propos et par tout ça, parce qu'il parle aussi du virus vraiment en termes médical. Enfin, moi personnellement, j'ai pas compris certaines choses dont il parlait, enfin des trucs. Oui, c'est vulgarisé. C'est à la fois vulgarisé et complexifié. C'est ça. Ouais. Pas trop complexifié. Il y a des termes très techniques qui sont un peu vulgarisés, voilà. Mais voilà. Oui, mais on comprend quand même, et c'est ça qui est bien joué de leur part, c'est qu'ils parlent quand même de tout sans simplifier justement, mais on peut comprendre quand même. Je voulais encore dire que le montage aussi est vraiment intéressant, parce qu'on voit plus, par exemple, la première scène du film, on voit des personnes dans... on voit une action qui se passe d'un certain point de vue, et puis après, après le générique, on voit cette scène revue. Enfin, on la revoit, mais sous plusieurs points de vue, pardon, de différents personnages, et on découvre au fur et à mesure l'action, etc. Par exemple, c'est pas un spoiler de dire ça, mais par exemple, il lance du faux sang à une personne. Dans l'action, et au début, quand on les voit arriver sur à leur réunion, on voit une personne avec du sang sur son t-shirt, donc c'est la, comment elle s'appelle, Sophie, donc Adèle Haenel. On la voit avec du sang sur son t-shirt, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette action, parce qu'on sait pas qu'ils ont jeté du sang, justement, puisqu'on est resté avec le point de vue d'un seul personnage qui n'a pas vu la scène. Et justement, la scène se déroule au fur et à mesure, et je trouve qu'au niveau des points de vue, c'est très intéressant de revoir la même scène au niveau des points de vue différents. Il y a aussi un travail intéressant au niveau des transitions visuelles. Par exemple, au niveau des parties, on a souvent des scènes dans un club, dans une boîte, oui. Avec, par exemple, la transition des particules dans l'air. Et dans l'eau, et après qui va vers le virus vraiment du sida, on voit un virus, comment il se forme, etc. Je trouve que les transitions visuelles sont très intéressantes. Il y a aussi des scènes assez, la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand on voit la scène avec l'eau rouge, qui est vraiment très forte visuellement, et qui se développe vraiment petit à petit. Au début, on pense que c'est juste, par exemple, le soleil qui se reflète dans l'eau, et on dézoome de plus en plus, et on voit la scène qui est complètement, qui est comme un canal sanguin, en fait, vraiment. Et il y a des visuels dans le film vraiment très intéressants. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film, et c'est un film important, comme tu disais. C'est toujours d'actualité, même si on a l'impression d'en entendre moins parler. C'est toujours aussi important de parler du sida, parce que c'est toujours pas éradiqué complètement, voilà. Et ça touche pas non plus que les homosexuels, pour ceux qui croient que ça touche que les homosexuels, faudrait vraiment un petit peu avancer. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, j'ai tout dit. Ok, nickel. Donc, Adrien, tu voudrais parler de Marie, qui n'est pas sortie en août ni en juillet, mais que tu as vu en projopresse. Voilà, c'est ça. Je me suis permis d'ajouter à la chronique un petit film qui risque de passer inaperçu, parce que tout simplement parce que ça va sortir après. Il y a tellement de films qui sortent en ce moment que c'est vrai que c'est un petit peu. Bah, puis c'est septembre, quoi. Donc là, c'est septembre, donc c'est un film qui est sorti très récemment. Donc, qui s'appelle Marie, qui est réalisé par Mark Webb, donc le réalisateur des Spider-Man, oui, et de 500 jours ensemble aussi. Ouais. Qui était très bien d'ailleurs. Très bien, ouais. Moi, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer par ailleurs, avec un type vraiment formidable. Et donc, par ailleurs, donc, il a réalisé ce petit film qui s'appelle Marie, qui est vraiment un tout petit film. Alors là, pour le coup, je prétends pas que ce soit du grand cinéma, je prétends pas que ce soit une décharge émotionnelle et visuelle. Non, c'est vraiment un tout petit film avec une réalisation tout à fait proprette, mais sans grande inventivité, qui raconte l'histoire d'une petite fille surdouée en mathématiques qui a été légué à son oncle par sa mère à sa naissance, puisque sa mère est grande mathématicienne, s'était suicidée. Et donc l'idée de l'oncle, c'est d'élever sa fille de manière correcte, mais sans montrer au monde l'intensité de son talent, parce que sinon, voilà, ils vont être séparés, elle va être sous les projecteurs, c'est pas bon pour une enfant, ce genre de choses. Et en face, tu as le point de vue de la grand-mère de la petite, qui est tout à fait opposée, qui pour elle, elle doit être sous les projecteurs, et elle doit faire avancer le monde, et notamment résoudre une équation qui aurait dû être résolue par sa mère, mais qui n'a pas été résolue. Et c'est un très beau film. C'est un film, voilà, c'est parfois c'est larmoyant, parfois c'est un petit peu, mais il y a aussi cette espèce de ton de Mark Webb qui en permanence, non pas dans la parodie cynique, mais un petit peu dans la réutilisation des codes. Genre par exemple, à un moment, le père va devoir aller chercher un chat avant que le chat se fasse tuer par le vétérinaire. Donc c'est une scène un petit peu, voilà, on compense larmoyante, et puis en fait derrière il y a un gag que je vais pas raconter, mais qui du coup dédramatise le truc, mais c'est pas de manière outrancière, c'est pas de manière cynique, c'est vraiment un amour pour les codes qui fait que parfois il aime bien un petit peu comme ça les bouleverser. Donc il y a ce ton là qui était déjà le ton de Mark Webb finalement dans 500 jours ensemble et dans une moindre mesure dans les Spider-Man. Donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi du point de vue du fond, en fait c'est un film qui n'est pas du tout manichéen, qui n'est pas du tout, il y a le point de vue du père, joué par Chris Evans d'ailleurs, qui est bon, et pour moi c'est assez rare pour le dire, qui est vraiment exceptionnel dans le film. C'est un film qui en général est très bien joué de toute façon. Il y a McKenna Grace aussi qui joue la gamine, qui est parfaite. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les points de vue qui sont exposés. Il y a le point de vue du père, le point de vue de la grand-mère, et finalement ils sont opposés, mais il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, c'est-à-dire que les deux vont être pris en compte, et finalement à la fin, que je ne raconterai pas, on arrive finalement à une sorte de compromis. D'accord. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est un film qui est très juste, qui est très juste humainement, qui n'est pas dépourvu de défauts en matière de larmoyance ou en matière de, voilà, du fait que ce soit pas spécialement bien réalisé, mais c'est un film qui est tellement sincère et tellement intéressant, qui parle beaucoup plus en fait du monde des adultes plutôt que de Mary en elle-même, ce qui fait que le titre français est un petit peu hors sujet, mais moins hors sujet. D'accord. Finalement que le titre américain qui s'appelle Gifted, qui parle du don de Marie, donc pour le coup ça n'a rien à voir parce que c'est très secondaire dans le film. D'accord. Donc moi je sais pas comment je rappelle le film, mais c'est un film qui parle beaucoup plus du monde des adultes et de la manière dont on a de vouloir décider du destin des enfants, et comment finalement on en arrive à des compromis où finalement tout le monde est satisfait, y compris l'enfant. Donc c'est un film qui finalement c'est très réussi, vraiment. C'est un film que vraiment je recommande. C'est un petit film, mais qui devrait plaire tout à fait, faire verser sa petite larme, mais surtout intéresser d'un point de vue psychanalytique, je pense. Ok, nickel. Du coup, on va passer à la fin. Oui, ça fait 2h30 là qu'on parle, et même peut-être plus d'ailleurs, sûrement. Rapidement, pour finir, on va chacun donner un top 3 pour des meilleurs films de l'été pour nous. Donc, je vais commencer avec Adrien. Tu commences au troisième et tu dis 2 et 3 et le premier. Écoute, et voilà. C'est difficile d'avoir un ordre parce que c'est des films qui sont très différents en termes de fond, en termes de forme, en termes de thématique, mais je vais essayer de le faire quand même. Voilà le film qui m'a enthousiasmé, mais moins enthousiasmé pour des raisons que j'ai déjà évoquées, c'est Baby Driver, donc je vais le mettre en troisième position. Ok. Même si c'est évident qu'il est mieux réalisé que les deux suivants, mais c'est, voilà, c'est en termes de subjectivité. Ouais. Voilà, c'est subjectif. Donc en troisième, Baby Driver. En deuxième, Marie, qui m'a fait verser ma larme, mais qui, voilà, est limité par son concept et plutôt son absence de concept, finalement. Et en premier, Annabelle 2, qui finalement était la grande surprise de cet été, qui m'a effrayé et qui à la fois m'a intéressé du point de vue de la mise en scène et du point de vue de ce qui était raconté. Donc je pense que sans être le meilleur film, ni formellement, ni intellectuellement de l'année, ni de l'été, il y en a eu beaucoup, c'est le film qui m'a le plus intéressé, surtout qui m'a le plus plu. Donc voilà, Annabelle 2 en première position. Ok. Eddie, toi, comme t'as vu que deux films... Je vais déjà classer les deux films que t'as vu, et puis après me donner peut-être un film parmi tous ceux dont on a parlé que t'aimerais voir le plus, en fait. Dans les deux films que j'ai vus, celui que j'ai préféré, c'est Baby Driver. Donc en premier, et puis... Après Spider-Man Homecoming. Voilà. Après, dans ceux que j'ai envie de voir, donc de la plus petite attente à la plus grande, ce serait 120 battements par minute, alors parce que bon, le sujet m'intéresse. Du coup, ça me rend curieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons retours. La planète des singes, Suprématie, et évidemment Song to Song en premier. Oui, c'est clair. Ok. Morgane. Je suis plein de surprises. Morgane, donc tu commences au troisième, deux et premier, voilà. Oh là là là là là là. Troisième, c'est compliqué parce que j'ai... Ouf, oh là là là là. Bon, alors, le troisième, ça va être Baby Driver, okay. Je pense. Mm-hmm. Non, c'est même sûr. Parce que, voilà, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, voilà, la générosité, la maîtrise, le grain de folie, mm-hmm. Voilà, c'était... en plus, je revenais de vacances, entre guillemets, pour ceux qui connaissent ma vie privée. Donc, ça a été le premier film que j'ai revu depuis, ouais. Et du coup, ça a été... ça m'a bien mis la pêche. Mm-hmm. En numéro 2, 120 battements par minute. Ouais. Pour les raisons que j'ai citées tout à ouais. l'heure. voilà, magnifique, grand film français. Il ira au César, il ira aux Oscars aussi. Et puis voilà. Et enfin, bah, comme je l'ai dit aussi, Dunkerque numéro 1. Ouais. Voilà. Ok, nickel. Parce que l'immersion, parce que la maîtrise. Nickel. Donc, moi, ce sera en troisième Song to Song. Parce que c'est vraiment un film que j'ai apprécié, même si je m'en souviens pas plus que ça. Mais c'est vraiment un film que j'ai envie de revoir et que j'ai envie de. De comprendre un peu de plus. Recomprendre voilà c'est ça non mais voilà de revoir et puis c'est un film qui m'a quand même bien plu donc voilà en deuxième que Dios nos pardonne parce que c'est la surprise de l'été et que c'était un polar comme j'en ai vu très rarement aussi. Oui, bah, c'est sûr qu'avec tous les films que tu as vus, c'était compliqué. Moi, la tâche est un peu plus facile. Mais voilà, c'est vraiment un film qui m'a surpris et qui n'a pas cessé de me surprendre et qui me restera gravé dans la mémoire. Et en premier, je l'ai spoilé avant, mais voilà, c'est même pas une grosse surprise. C'est Baby Driver, pour toutes les raisons que j'ai déjà dit. C'est le film de l'année pour l'instant pour moi. Donc voilà. Voilà, donc on va finir cette émission enfin. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté pendant ces 2h45, je sais pas combien. Ça a été très long, mais en même temps, on avait un programme assez chargé. Donc voilà, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. Merci à vous trois d'avoir participé pour cette émission. Je sais que c'était long, et voilà, heureusement, on a pu se caler hein, dans un petit coin de programme, même si c'était assez compliqué. Mais voilà. Vous pouvez retrouver le site sur moviesnerd.net avec les critiques, les émissions, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est moviesnerd tout court et Twitter movies_nerd. Vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes et PodCloud, là où vous pouvez noter, etc. Ça nous monte dans le classement. Comme je le dis d'habitude, c'est très apprécié. Et ensuite, moi, vous pouvez me retrouver sur moviesnerd, Sens Critique et Twitter, TheLexal, THELEXAL. Et voilà, je vais passer à Adrien. Comme toi, tu as 3000 projets en préparation, ça va. Alors, oui, je vais essayer d'être rapide. Alors, au niveau ouais. écriture, c'est simple, vous pouvez me retrouver sur Small Things. Au niveau réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @zforstuff. Et au niveau des enregistrements audio, c'est là que ça se complique, vous pouvez me retrouver sur le podcast des Forts en semaine, qui va connaître sa quatrième émission presque pour, ouais. son anniversaire la semaine prochaine sur les films DC Comics. Et donc une nouvelle émission qui vient d'une émission YouTube mais qui est devenue une émission audio que j'ai le plaisir maintenant d'animer qui s'appelle Serial Causer qui devrait sortir aussi dans le courant de la semaine prochaine. Ouais, et on est impatient ouais. d'écouter ça et je vous mettrai tout ça dans les liens de l'émission de toute façon donc vous pourrez trouver ça plus facilement. Voilà. Plein de beaux projets. Hein. Exactement. Morgane. Alors moi vous pouvez me retrouver sur Twitter @cinemorgan Morgan Cineman sur Vodcaster Cinémaniac sur Sens Critique voilà. parce que je refais des petites notes ouais, voilà donc Cinémaniac et sur Facebook Morgan Sheridan voilà nickel Eddie Sens Critique Facebook Movies Nerd et YouTube aussi c'est Eastark partout nickel. Sauf sur YouTube où c'est Eastark Play voilà. Voilà, voilà. Tu penses faire une nouvelle vidéo là Probabilité. Ok, d'accord. Je peux pas donner le degré, mais c'est possible. Ok. Je sais pas encore, je vais voir. Ok, parfait. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir écouté. Et d'ailleurs, tu parlais de l'anniversaire de Four Horsemen juste avant. Félicitations déjà pour les 1 an bientôt. Et nous, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, même si c'était en août l'anniversaire, c'est pas grave. Ça fait 4 ans qu'on fait le podcast, 3 ans qu'on le fait avec Eddie. Et voilà, donc c'était un grand anniversaire et on attend bientôt les 5 ans. Voilà. Voilà, bon, merci encore et on se retrouve dans pas très longtemps pour un prochain podcast Movies Nerd. On parlera des films de septembre et il y en a beaucoup. Voilà. Bonne journée et bonne soirée. Ciao. Au revoir. Salut.